Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On se retrouve pour la deuxième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Chine qui a eu lieu ce week-end sur le circuit international de Shanghai et débriefé ce premier week-end de sprint. Non, je ne suis pas en boule dans mon lit, Yves. Bonsoir tout le monde. Je suis là malgré évidemment mon deuil absolu de ce week-end de McLaren, on y reviendra. Mais tout va bien, nous sommes ici. On est deux pour l'instant. Pour débriefer ce Grand Prix de Chine, il y a Franck avec moi. Ça va Franck ? Salut, bah écoutez, oui, ça va très bien. Super week-end de Formule 1, encore une fois. Effectivement, avec Manu, on n'est pas en deuil. Moi, je suis en couleur Mercedes ce soir. Moi, je suis en deuil. En deuil, voilà. On verra. Non, pour répondre, on a demandé pourquoi on n'a pas fait hier. En fait, on l'a pas fait hier parce qu'on voulait le faire avec Alex. Et comme vous le voyez, on le fait ce soir avec. Pas Alex. Non, Alex va pas tarder à arriver. Il a un petit contretemps, il arrive. Un petit contretemps, mais voilà, on voulait pas vous partir trop en retard parce qu'on sait pas pour combien de temps il y en a exactement. Donc voilà. Et donc il va nous rejoindre et puis va parler avec nous de ce superbe week-end de Formule 1. Moi, je trouve qu'on s'est régalé. On a un sprint qui, pour le coup, trouve vraiment toute sa perfection, peut-être pas le mot, mais toute sa justesse, son intérêt avec cette nouvelle génération de Formule 1 plus petite, plus fine, moins sensible à l'aéro, et surtout voilà avec la partie gestion de batterie et d'énergie que certains critiquent, que certains adorent, voilà, en tout cas parmi les fans de F1. Donc ça sera aussi l'occasion d'y revenir avec vous pour avec ce deuxième circuit bien différent de Melbourne. Et voilà, et puis on a eu des choses encore très intéressantes en termes de performance, de hiérarchie à débriefer avec vous. Franck, le problème c'est que tu dis que certains adorent, certains détestent, mais ceux qui adorent c'est qu'ils n'y connaissent rien, d'après une certaine personne du paddock. Donc... Oui, oh, tu veux dire, tu mets directement les pieds dans le plat, toi. Non, il reviendra. C'est du teasing pour les gens qui n'auraient pas vu la déclaration de Max Verstappen. Mais non, moi je suis totalement d'accord avec toi. Bon, évidemment, on a déjà débriefé tous les deux, mais moi j'ai passé un très bon week-end de Formule 1. Globalement, je trouve de l'intérêt à cette réglementation. Il n'y a pas encore l'ajustement parfait pour la qualif, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il faut revoir la qualif et ce sera mieux après. Néanmoins, même si c'était déjà mieux quand même ce week-end. C'était déjà mieux qu'à Melbourne. Et en fait, tout était mieux qu'à Melbourne. Pourquoi ? Parce que c'était la deuxième course d'une réglementation. Donc forcément, exactement comme j'avais dit ici la semaine dernière, et je le redis, pour moi, c'est juste tout ce qu'on a vu à Melbourne qui était catastrophique, qui s'est dû à deux choses. Un, le circuit qui n'était pas adapté, et deux, les défauts de jeunesse. Ça, c'est vraiment défaut de jeunesse d'une réglementation, comme à chaque réglementation. On a vu des courses chaotiques, des problèmes et tout ça, à chaque nouvelle réglementation en Formule 1, c'est pas nouveau. Donc voilà. Je dis qu'il y a dommage qu'il y ait un écart trop grand entre les tops et les mids, mais malheureusement, c'est souvent le cas en début de réglementation. Alors l'avantage, mais c'est pas qu'avec... pas tant que ça, hein. Et pas tant que ça par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Et l'avantage, ouais, c'est que aujourd'hui, entre le handicap de développement pour les meilleures équipes et les plafonds budgétaires, ça ne durera pas. Donc il n'y a pas de danger là-dessus. Et même, on a déjà vu les équipes les plus lointaines du peloton, Cadillac notamment, réduire son écart par rapport à Melbourne, parce qu'en fait, tout le monde se met dans le rythme petit à petit, certains plus vite, certains moins vite. Évidemment, les équipes qui ont une maîtrise parfaite de leur... infrastructures, ben elles ont toujours l'avantage, hein, mais ça on l'a vu, on le savait déjà depuis cet hiver. Mais ouais, moi je trouve que les courses, je trouve pas en fait spécialement que ce soit visuellement, c'est pas spécialement artificiel. Et puis ben, on s'ennuie pas quoi, concrètement, on s'ennuie pas. Non, clairement ouais, c'est. En plus, on devait peut-être avoir un ajustement des règles de gestion d'énergie pour le Japon. Finalement, ça a été repoussé à Miami puisque. Ça sera peut-être pour Bahreïn, mais bon, comme vous l'avez appris, on va peut-être en parler directement maintenant. On classera ça, effectivement. Donc, on a Bahreïn et l'Arabie Saoudite qui disparaissent du calendrier. C'est pas une annulation pure et dure écrite sur ces termes-là. C'est pour l'instant un report, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, ça n'aura normalement pas lieu parce qu'il n'y a pas de place ailleurs dans le calendrier, à moins de le faire en plein mois d'août. Mais j'ai peu un doute de faire des grands prix en plein mois d'août là-bas. Après, si on considère qu'il y a une place de libre, on peut faire 7 grands prix à la suite en fin de saison. Mais... Oui, bien sûr. J'ai envie de te dire que c'est même pas sûr que Qatar et Abu Dhabi puissent avoir lieu non. aussi. Hein, parce non, selon comment ça se déroule, cette histoire autour de l'Iran, c'est pas certain qu'on soit encore en Formule 1 dans cette région du monde à la fin de l'année. Bref, donc voilà, deux grands prix en moins, donc vous allez avoir le Grand Prix du Japon dans une petite quinzaine de jours maintenant, puisque ça commencera le jeudi avec la journée média comme d'habitude jusqu'au dimanche, et après bah il faudra faire une pause Alors plus ou moins bienvenu, hein. Moi je trouve que c'est vraiment dommage pour nous, parce qu'on on s'était un petit peu mis dans le rythme. Puis, ouais. Puis c'est plaisant cette année la F1, c'est ce qui est. Exactement, voilà, même le Japon ça devrait être sympa, Bahreïn aussi, parce que là pour le coup les équipes connaissaient et il y avait des références, donc pour elles ça aurait été vraiment super pour introduire leurs évolutions sur ce Grand Prix là, parce qu'elles avaient toutes les données des essais hivernaux. Malheureusement, bah, du coup elles pourront pas faire de comparo sur ce Grand Prix. Bon, Jeddah c'était un peu particulier, ouais, aussi. La bonne nouvelle, je pense que Jeddah n'est pas lieu, parce que au niveau gestion de l'énergie, je pense que c'était un des pires aussi. Donc, Exactement, donc là pour le coup celui-ci on le regrettera pas trop. Non. Dans l'état actuel du développement des F1 de 2026. Mais c'est vrai que Bahreïn, c'est un peu dommage, parce que du coup, on aurait pu voir des choses un peu plus, certainement plus resserrées et plus intéressantes en termes de gestion encore d'énergie. Donc voilà, donc on se retrouvera du coup toute fin avril pour la journée média de Miami, les premiers essais libres de Miami. Mmh. C'est un sprint en plus, Miami, me semble. Mmh. Il me semble que c'est un sprint en plus aussi, donc ça sera déjà la quali sprint dès le 30 avril. Avec sûrement des grosses évos, hein, pour le coup. C'est ça. Là, ah bah là, tout le monde va en profiter. Tout le monde en a un package différent. Voilà, c'est ça, comme disait Fred Vasseur. Bon, il y avait déjà forcément des évos qui étaient prévus, mais les évos qui étaient prévus, bon, on va peut-être les freiner un peu pour essayer de les améliorer un petit peu. Donc pour l'usine, c'est pas forcément une aussi bonne nouvelle que ça. Donc, parce que du coup, ça va peut-être remettre un coup de pression sur les ingénieurs, les concepteurs et la partie production pour faire des choses peut-être un peu plus poussées que ce qui était prévu en premier package. Donc voilà. Pour tout, par contre, pour tout le personnel de course, voilà, qui a fait les essais privés, deux grands prix très éloignés des bases européennes, un troisième va venir bientôt. Ça faisait quand même très long. On a quand même commencé à rouler pour certaines début janvier, pour la plupart donc fin janvier avec l'essai de Barcelone. Ça fait voilà pour eux, c'est début février. Voilà pour toutes ces personnes là, pour les pilotes, c'est vraiment un trou dans le calendrier qui leur fera du bien. Pour nous, ça change pas énormément de choses, évidemment, parce que vous savez bien que la Formule 1 s'arrête jamais sur NextGen Auto ni sur beaucoup d'autres sites. Hein. C'est l'avantage de ce sport, c'est qu'il y a toujours des choses à dire, contrairement à d'autres sports automobiles, malheureusement, qui sont toujours dignes d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup le rallye, mais c'est vrai qu'entre les rallyes, malheureusement, en général, on est un petit peu pas très gâté en news, donc c'est en termes de suivi quotidien, c'est un peu plus difficile. Sur la Formule 1, il y a toujours des choses à dire, donc on continuera à vous tenir informés. Mmh. Évidemment. Tout à fait. Et puis peut-être qu'on fera quand même. C'est vrai que là, ça nous laisse tellement de temps qu'on aura sûrement la possibilité de faire une ou deux émissions un peu hors série. On verra. Oui, j'ai bien envie de lieu de vacances particulier. Je crois que toi, t'as prévu d'aller du côté de Woking pour mettre l'usine à feu et à sang. Oui, tout à fait. Et moi, je vais à Maranello faire un pèlerinage parce que je crois qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Et je crois qu'Alex a prévu d'aller à Enstone. Alors, du coup, je sais pas s'il y va positivement ou pas, vu ce début de saison un peu. Ah non, mais il a retourné sa veste. Ah oui, c'est vrai. Il va à Brackley. Il va bracler célébrer les doublés, du coup. C'est ça. non, mais c'est vrai que ça sera peut-être l'occasion de tester un ou deux formats un peu plus historiques ou des trucs comme ça. J'ai réfléchi il n'y a pas longtemps. En attendant, on va passer sur ce Grand Prix de Chine, évidemment, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Avec Mercedes, tout d'abord, hein, donc Kimi Antonelli, qui remporte son premier Grand Prix. Ça n'a pas traîné pour le coup cette saison, après une année 2025 un peu compliquée. La deuxième course de la saison, il la remporte. Il avait fait cinquième lors du sprint. Et George Russell, qui avait gagné le sprint, termine deuxième. Il s'est également qualifié dans cet ordre-là, Antonelli faisant sa première pole et devenant le plus jeune poleman de l'histoire. Alors, ce week-end de Antonelli, ça a été finalement un peu un week-end en deux parties, parce que du vendredi jusqu'au sprint, ça a été très brouillon. D'ailleurs, j'ai fait un message sur Blue Sky disant que je trouvais qu'il était très brouillon, et puis derrière j'étais un peu décrédibilisé, puisque sa qualif et sa course ont été vraiment parfaites. Toi Franck, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Est-ce que tu crois qu'il s'est retrouvé dans une bonne dynamique à un moment en particulier, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une petite remise à zéro dans le week-end? C'est vrai que les petites erreurs d'Antonelli lui ont toujours coûté un petit peu à gauche ou à droite. Donc au départ du sprint, hein, ça lui avait coûté aussi pas mal de positions, et du coup le fait de ne pas pouvoir faire le doublé pour Mercedes sur cette course-là. Là, quand même, sur ce Grand Prix, il profite quand même beaucoup du fait que les Ferrari derrière lui se sont tirés la bourre et ont un peu gêné Russell pendant un bon bout de temps, ce qui lui a permis quand même de s'échapper un petit peu et d'avoir cette marge nécessaire pour aller remporter son premier Grand Prix. Donc c'est vrai qu'il a quand même été un petit peu aidé par Ferrari, mais bon, c'est la famille, hein, c'est l'Italie, donc c'était très, voilà, je pense que les Italiens, ils étaient très contents hier soir. Oui. hier matin plutôt, puisque avec le décalage. Mais non, il a quand même bien assuré. Bon, petite, il nous l'a joué un petit peu Max Verstappen en fin de Grand Prix quand même. Effectivement, à aligner des meilleurs tours et des meilleurs tours qui n'étaient pas du tout nécessaires, jusqu'au point de se louper sur un freinage qui lui a valu un rappel à l'ordre de Bonington. Alors, sachant que Toto Wolff voulait le, si vous avez lu les news sur le site, Toto Wolff voulait le rappel à l'ordre déjà bien avant quand il commençait à aligner quand les meilleurs tours. Quand il commençait à empiler les meilleurs tours, ouais. C'est ça. Et puis, à un moment, il fait donc son petit freinage raté et Toto dit du coup à Bono, bon, maintenant tu vas le calmer. Parce qu'au début, il ne voulait pas le calmer, Bono. Il a dit non, je le laisse dans sa bulle, il est en train de prendre son rythme, sa confiance et tout, mais un peu trop de confiance. Donc, parfait fonctionnement de la chaîne hiérarchique avec Wolff qui engueule Bono, qui engueule Antonelli. C'est ça. Mais du coup, au début, quand même, Bono ne voulait pas. Hein. Bono a dit à Wolff, non, on le laisse faire. Bon, au bout d'un moment, effectivement, il ne fallait pas non plus aller trop loin. Heureusement que c'est une petite erreur, quoi. Oui, voilà, il y a de l'espace à cet endroit-là, et c'est pas, je pense pas qu'il ait pris ce genre de risque sur un virage très rapide ou autre chose. Non, je pense pas. À ce moment de la course, mais voilà, non, il a très très bien déroulé sa course, il l'a bien géré. On voit clairement que les Mercedes ont, de manière générale, encore une bonne avance sur Ferrari sur le rythme de course. Moins qu'à Melbourne, je pense. Il y a quand même Vasseur dit 4-5 dixièmes, je pense que c'est à peu près la vérité. Même si je pense qu'il y a peut-être un peu moins parce que les Ferrari elles ont quand même pas optimisé leur temps de course en se battant autant entre elles derrière. J'aurais plutôt envie de dire 2-3 dixièmes plutôt que 4-5 moi. Je pense que Vasseur amplifie volontairement les écarts parce qu'il y a quand même le système ADUO de développement et tout ça qui va arriver aussi. Donc il faut pas non plus trop glorifier les performances de la Scuderia malgré leur résultat actuel. Voilà, parce que derrière ça aussi ça déclenche toutes les autorisations possibles de développement côté moteur. Donc voilà, moi j'ai envie de dire il y a sur un circuit plus traditionnel que Melbourne, qu'on verra donc plus souvent au cours de la saison, l'écart est déjà plus faible que ce qu'on pouvait craindre après Melbourne ou encore après les essais Verdo. Donc je suis assez confiant sur le fait que cette saison ne sera pas une domination totale de Mercedes comme ça a pu l'être en 2014, 2015 et 2016. Et que les équipes derrière, enfin en tout cas Ferrari, ça c'est sûr, seront assez rapidement au niveau, à moins que Mercedes fasse un développement de folie, mais j'ai plutôt bon espoir que chez Ferrari on a quand même encore des cartes dans la manche pour rattraper Mercedes, pour qu'on n'ait pas une saison effectivement qui se limiterait à un duel Antonelli-Russell, un duel qui pourrait en plus ne pas être un duel, puisque Wolff a quand même dit qu'il ne voyait pas trop Antonelli jouer le titre cette année. Ça, il avait dit le samedi, hein, donc il a dit voilà, il faut commencer à lui mettre la pression et tout ça. Et propos qui ont été re-renforcés après sa victoire dimanche. Parce que voilà, Antonelli, il n'a pas l'expérience, il n'a pas toute cette partie de gestion d'une saison compétitive qu'a Russell. Donc voilà, puis c'est aussi logique que Russell soit le numéro 1 pour l'instant. Maintenant, si Antonelli se met à être beaucoup plus à l'aise que Russell sur cette génération de F1 là, on peut pas être à l'abri d'une surprise non plus. Et puis ils vont pas l'interdire, quoi. Non, ça, ils vont pas l'interdire, c'est sûr. Après Antonelli, il y a quand même une grosse inconnue, c'est la régularité. Parce qu'en fait, Bubble Boy dans le chat dit, j'avais dit dès 2023 quand Antonelli était une bête de course, je me souviens que Manu était réservé. Je suis toujours réservé dans le sens où, pour l'instant, on a vu une très grosse course d'Antonelli, là où on voit que des bonnes courses de Russell depuis maintenant 4 ans. Donc, pour moi, il y a encore un vrai avantage de Russell. Faut pas oublier qu'il arrive quand même à être souvent devant globalement. Là, c'est vrai qu'Antonelli s'est vraiment mis à l'aise sur le reste du week-end, et je suis sûr qu'il y aura d'autres week-ends où il va battre Russell. Il n'y a aucun problème. Maintenant, pour moi, Russell a quand même un avantage qui est qu'il est plus régulier, surtout c'est un des plus réguliers du peloton. Il est toujours quasiment à la limite de sa voiture, il fait très peu d'erreurs. Et deux, Antonelli, il y a encore le gap à passer de faire une saison propre, ce qui n'est déjà pas le cas pour l'instant, puisque je vous rappelle qu'il s'est crashé à Melbourne déjà, et que son début de week-end a été un peu compliqué à Shanghai. Donc je pense que globalement, c'est quand même meilleur de la part de Russell, et il ne faut pas oublier qu'Antonelli a quand même beaucoup de mal sur les départs aussi. Donc voilà, après effectivement, c'est bien en tout cas de voir Antonelli aller titiller un peu Russell. On va voir si Russell va vouloir être aussi un peu plus, comment dire, un peu orgueilleux la prochaine fois, en se disant c'est moi le patron. Ça sera marrant à voir. Et puis, on va, ça peut nous créer un duel un peu sympa. Compte tenu de, concernant l'écart avec Ferrari, moi, je suis convaincu que, effectivement, les 4-5 dixièmes dont on parle sont un peu pessimistes dans le sens où, pour moi, actuellement, Ferrari a plus de mal à gérer les pneus sur le long terme. Et on voit qu'en fin de relais, l'écart autour se grandit. Je pense que la Mercedes, c'est son gros avantage, elle a l'air d'être vraiment soigneuse avec les pneus. Et d'ailleurs, on le voit avec les meilleurs tours d'Antonelli à la fin, hein, qui était facile, entre guillemets. Et là où les Ferrari, bon déjà, c'est vrai que se sont plus battus, donc forcément, ça fatigue un peu plus les pneus. Mais en début de relais, on était plus sur du 2 dixièmes au tour, hein, 2-3 dixièmes, comme tu dis. Et après, effectivement, en fin de relais, on tombait des fois sur du 6-7 dixièmes. Quand les Mercedes ont attaqué, on a eu du 1 seconde à un moment, mais parce que bon, ils étaient aussi derrière en train de se disputer la place. Mais non, moi je suis assez rassuré et globalement je pense qu'on va aller vers du mieux. Alors effectivement Suzuka ça peut être un terrain pour Mercedes parce que le châssis, enfin globalement tout ce qui va être puissance va être important. Après à voir, le châssis Ferrari est bon aussi donc. Justement j'allais venir là-dessus, c'est que ouais. Tu dis que les pneus de la Ferrari fusaient plus, mais les vitesses de passage en courbe des Ferrari sont supérieures. Ouais, aussi. Là où Mercedes fait la différence pour l'instant, c'est vraiment sur la gestion de la puissance moteur. Donc ce que Mercedes n'arrive pas à mettre à Ferrari dans les virages, elle le met dans les lignes droites. Et à Suzuka, oui, il y a une part de puissance, mais pas que. Il y a beaucoup de S, il y a beaucoup de virages très rapides. Et si je devais mettre une pièce aujourd'hui, je pense que Ferrari pourrait se mettre au niveau de Mercedes à Suzuka, autant en qualification qu'en course. Et je pense qu'on pourrait vraiment, pour le coup, avoir un duel peut-être très équilibré à Suzuka, qu'on n'a pas eu à Shanghai, parce qu'à Shanghai, il n'y a pas beaucoup de courbes très rapides. Donc voilà, donc pour l'aspect pneu, je suis d'accord sur le fait que Ferrari les bouffe un peu plus, mais... Comme il passe aussi plus vite en virage, ceci explique aussi peut-être cela. Voilà, il vaut mieux effectivement accélérer fort, ça use quand même un peu moins les pneus, même si les pneus arrière morflent toujours, mais c'est comme les pneus avant qu'il faut en général soigner, surtout à Shanghai. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu normal que la Ferrari me bouffe un peu ses pneus, parce qu'il y a quand même une vitesse de passage en courbe moyenne qui est supérieure. Et j'ai envie de dire que sur tout le premier secteur de Suzuka, ça va être génial pour la Ferrari. Le deuxième peut-être un peu moins. Le troisième, ça peut être kiff-kiff. Hein. Donc avec Spoon, avec le 130R, ça peut être. C'est moi j'ai envie de dire, je vois quelque chose de très équilibré à Suzuka. Et donc voilà. Et à Suzuka où on a du mal à dépasser souvent, bah là pour le coup, la gestion de l'énergie pourrait faire ce qu'on n'a jamais réussi à avoir, c'est peut-être un peu plus de déplacement à Suzuka. Ouais. Ça j'y crois. Grâce à la tête des pilotes. Voilà, c'est pas artificiel. C'est pas je rebute ce côté artificiel qui est critiqué par pas le pilote, mais on arrivera plutôt sur ce chapitre là quand on abordera Red Bull. exactement, mais voilà, en tout cas c'est vrai que bon, Mercedes pas sur le plan comptable forcément, hein, ça engrange, ils sont tous les deux en tête du championnat les pilotes, et puis l'équipe a fait pour l'instant quasi sans faute, hormis au sprint où Antonelli optimise pas les points, mais sinon bah, c'est 43 points par week-end en course, donc forcément pour l'instant le début de saison est plutôt bon, ça c'est sûr. On va passer à Ferrari. Alors Ferrari, Hamilton termine 3ème, Leclerc 4ème. La veille ils avaient terminé 2ème pour Leclerc et 3ème pour Hamilton du sprint. Alors je pense que Fred Vasseur a perdu quelques mois d'espérance de vie dans le week-end. Néanmoins, nous, on s'est bien amusés. Ils nous ont régalé. Hein. Franchement, les deux duels, les deux jours. Toi, tu as peut-être perdu un petit peu d'espérance de vie dans le week-end aussi, parce que tu as dû un peu stresser. Mais au moins, les deux pilotes sont très propres et on peut compter sur eux pour mettre en avant quand même les. Enfin, pour ne pas oublier les intérêts de l'équipe. Et moi, personnellement, ils m'ont régalé. Les deux bastons ont été incroyables. Ah oui, bah la baston du sprint a été un petit peu plus remarquée du côté de Leclerc, comme qui dit attention, j'ai l'impression qu'il a pas l'impression qu'il a l'argent de ses voitures, parce qu'à un moment il s'est fait un petit peu tasser. Ah, mais à part ça, ça a été hyper propre tout le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche entre eux deux, c'était vraiment magnifique à voir. Hein. Un coup à toi, un coup à moi, de manière extrêmement intelligente, je trouve aussi. Et puis voilà, comme ils l'ont dit, c'est qu'ils ont vu que Mercedes voilà, était intouchable pour la victoire. Ils se sont dit, nous on va se battre pour le podium derrière. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pu se battre alors que Russell était derrière eux. C'est d'ailleurs ce qui prive un petit peu Russell de la victoire, hein. Enfin en tout cas de pouvoir aller chercher Antonelli devant lui. Mais effectivement, c'était moi j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et clairement, voilà, j'ose toujours le répéter, le re-répéter, parce qu'on a toujours des nouveaux dans le chat ou des gens qui nous verront en podcast, mais dans une Formule 1 qui est dictée par l'aérodynamique, où vous avez des freins carbone céramique, où on freine à 80 mètres pour passer 350 à 80 km/h, faire des dépassements à l'ancienne comme on les mettant, c'est plus vraiment possible, quoi. Je veux dire, voilà, ou regarder de la Formule 3 ou de la Formule 4, des monoplaces qui dépendent beaucoup moins de l'aérodynamique, qui sont beaucoup plus petites. Voilà, donc avoir cette partie que je trouve encore moi je trouve moins artificielle que le DRS par exemple, parce que le DRS du coup c'était une aide voilà extrêmement facile, on va dire. Oui, hein. Voilà, alors que là on peut attaquer mais on peut aussi répondre, parce que le pilote qui est attaqué, il a aussi du coup un côté stratégique à dire voilà, je vais peut-être garder un peu plus ma réserve de puissance sur cette ligne droite là ou cette ligne droite là pour pouvoir contrer ou pouvoir réattaquer derrière si nécessaire. Donc pour le trou, je trouve qu'il y a une science de course qui est absolument pour moi qui est géniale, quoi. J'aime beaucoup ça. Mmh. Je vois pas quelle autre arme entre guillemets on peut mettre à la disposition des pilotes. Pour l'instant, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qu'on avait anticipé. Je m'attendais pas à le voir autant en action que ça et autant nous donner raison, parce que je pense que Manu aussi t'as à peu près le même idée de ce que ça pouvait donner. Et voilà, et les fans ont plutôt l'air de se régaler. J'ai regardé un peu les commentaires, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus positif après cette course-là, effectivement, que Melbourne, mais Melbourne c'était un petit peu normal. Et donc, du coup, ça nous a valu une bataille entre les Ferrari, là, pour en revenir au sujet, qui était absolument somptueuse. Mmh. Et puis, bah voilà, premier podium d'Hamilton avec enfin. Ferrari. Voilà. Enfin. En plus, à Shanghai, où il avait gagné le sprint l'an dernier, donc c'est vrai qu'on comptait pas vraiment sa victoire au sprint comme une vraie victoire ou un vrai podium, hein, évidemment. Dans les stades de la Formule 1, ça compte pas comme ça. Donc voilà, enfin, un podium. Et puis quel podium, du coup, parce que vous avez son ancien équipier Russell, vous avez Anthony qui le remplace, et vous avez au milieu de les trois, il y a l'ancien ingé, ouais, Peter Bonington. C'était vraiment quelque chose de très très émouvant. Hein, c'est très feel good comme podium, ouais, j'ai bien. C'est aimé. Ça. Alors, ouais. Moi, j'ai un gros problème par contre avec cette Formule 1 de 2026, c'est que elle est devenue tellement intéressante que j'ai du mal à bosser pendant les courses. parce que pour tout vous avouer, je prépare souvent beaucoup de choses, je prépare les photos, je prépare les articles, des genres de choses. Voilà. Et là, en fait, je suis vraiment obligé de rester beaucoup plus rivé sur les yeux sur l'écran pour voir ce qui se passe, plutôt que d'écouter juste un tel s'est arrêté, un tel a dépassé au DRS ou autre. Là, je suis vraiment obligé de suivre tout le temps, et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup, je prends un poil de retard sur la préparation de l'après-course, mais c'est pour le plus grand bonheur. Donc, ouais, j'espère que dans le chat, vous avez aussi apprécié cette course de Chine. Elle était quand même plutôt bien appréciée, je pense, côté fan. J'ai pas vu la note de Canal+ des spectateurs, j'ai pas fait gaffe. Mais vu que Melbourne avait obtenu un 15 et quelque chose, je pense que celle-ci a dû avoir encore mieux. Mmh. Et globalement, sur les réseaux sociaux, c'était quand même beaucoup plus positif aussi. Donc voilà, je pense que c'est une formule qui reste à peaufiner, qui est bien lancée. Et puis voilà, pour Ferrari, maintenant... C'est des grands espoirs, hein, du côté de Maranello. Et puis, voilà, ouais, une belle bataille entre Mercedes et Ferrari. Je pense, hein. Désolé pour McLaren et Red Bull, on y reviendra juste après. Mais je pense quand même qu'on va avoir un duel plutôt qu'un. C'est sûr. En tout cas, pour le début de saison, pour les premiers mois, peut-être que d'autres viendront se mêler à la lutte plus tard. Mais le train des titres Bondou, je pense que sera déjà un peu parti. Je pense aussi. Voilà. Et surtout, moi, en fait, les fans ont l'air d'aimer. Ben, je vois dans le chat, déjà, il y a beaucoup de commentaires positifs. Mais en fait, surtout, c'est très rare, je trouve, d'avoir un pilote parmi le groupe de tête qui est quand même concentré sur un bon résultat, qui dit à la radio « Ok, je viens de m'amuser ». Parce que c'est littéralement Sylvie Leclerc. Hein. Il a dit « Ok, c'était vraiment fun ». Alors que pourtant, juste trois tours avant, il était en train de dire « Oui, il m'a un peu serré, machin ». Et finalement, une fois que la bataille a été lancée et qu'ils se sont un peu échangés les places et tout. Après, je sais pas s'il y a eu un message pour stopper la bataille, parce que j'ai l'impression qu'il disait ça un peu comme si c'était bon, ok, on arrête là, mais en tout cas, voilà, les pilotes disent qu'ils s'amusent bien. Hamilton est dithyrambique, il n'arrête pas en sortie de voiture, il a le sourire, il dit qu'il prend du plaisir. Les pilotes Mercedes ont l'air de bien se plaire aussi, parce que bah, au début de course, il y a souvent beaucoup de bastons avec les Ferrari, malgré tout. Et franchement, c'est top. Effectivement, alors revoir Hamilton en forme, bah, déjà, ça fait plaisir à beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'on le voyait un peu éteint et ça faisait un peu triste. C'était un peu triste. Et surtout, Ferrari a enfin le duo de pilotes qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on a un Leclerc qui est toujours Leclerc, hein, il est toujours là, il est toujours rapide. Même s'il disait justement ce week-end que les qualifications sont moins son point fort. Et on le voit, parce que l'an dernier, il était beaucoup plus imbattable. Et Hamilton qui retrouve sa vigueur, on le voit se battre. Enfin, moi, quand on l'a vu faire quelques dépassements dans le premier virage par l'extérieur ce week-end là, et puis dans le long virage qui mène à l'épingle, c'est vraiment très très, c'est du Hamilton dans le texte, mais d'il y a quelques années, quoi. Donc, c'est du Hamilton qui reprend du plaisir, reprend de la confiance. Et franchement, Ferrari, là, pour le coup, ils ont un duo de pilotes qui est vraiment, vraiment très, très bon, évidemment, on savait. Mais l'an dernier, c'était un peu la déception d'Hamilton. Et là, on vient à ce que, aux promesses, en tout cas, que de donner la signature d'Hamilton. Je vois Bubble Boy qui dit un duel dans ce genre est compliqué avec un Verstappen. Je l'ai toujours dit, un duel avec Verstappen, ça dure un virage. Généralement, ça va pas plus loin. C'est soit on cède, soit on s'accroche. Mais dans tous les cas, c'est malheureusement, c'est très rare de voir Verstappen se battre comme ça. Je sais que certains sortiront de Jeddah 2022, mais ça fait peu d'exemples. Alors néanmoins, Ferrari, l'avantage aussi, c'est que la fiabilité semble quand même globalement meilleure que Mercedes. Ça pourrait jouer aussi à leur permettre de rester accrochés au championnat, parce que Mercedes a eu quelques alertes, notamment Russell qui rate la pole, parce qu'en Q3, on peut penser aussi qu'il aurait eu la pole s'il avait mieux la joué, en tout cas s'il n'avait pas eu son problème. Il passe quelques minutes au ralenti en piste, puis au stand à régler un problème. Ils ont apparemment rebooté la Mercedes pour que ça reparte. Trois fois avec un nouveau volant et tout ça. Comme un iPhone. sympa pour Apple, ils ont dû apprécier. Comme une Livebox. Et du coup, dire comme un Samsung ou autre chose. Ouais. C'est Apple, Apple qui a pris, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais voilà, et puis... Mais effectivement, Ferrari, de leur côté, le moteur est vraiment très très solide. Oui, il y a beaucoup plus d'éléments d'ailleurs. Il y a pas mal d'équipes Mercedes qui ont déjà pas mal d'éléments moteurs, ouais, qui ont déjà été échangés. Pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que, enfin, vous le voyez passer dans nos textes, mais voilà. Mais ça va bientôt parler de pénalité chez Mercedes quand ça continue comme ça. Ça va aller vite. Alors que chez Ferrari, bah là, les 6 voitures étaient à l'arrivée et n'ont pas changé de composants pour l'instant. Ouais, donc, exactement. Donc bravo à Maranello qui a fait un moteur un peu moins puissant, mais par contre qui a l'air d'avoir beaucoup plus de marge en termes de fiabilité, et c'est vrai que ça peut jouer. Moins de bugs, surtout. Moins de bugs, ouais. C'est vrai que le moteur Mercedes, il est bien buggé. C'est probablement une version... c'est une version bêta qui est sortie. C'est du bêta test. Tu fais la transition, c'est ça? Alors oui, justement. Moi, je voulais pas en parler, mais t'as insisté pour qu'on en parle. Donc, oui. On va passer à McLaren. Parce que... Bon, comment vous expliquer? Alors moi, je vais juste dire un truc. J'ai pas grand-chose à dire. Vous dites bien que je suis un peu triste. Même si... C'est t'avais ça. Dit 2052 le prochain titre alors. Non mais ce qui m'embête, c'est que là on en est à deux grands prix et pour l'instant j'ai vu une McLaren dans une course, donc c'est un peu light si tu veux. C'est un peu court. Ouais, mais bon, tu les as trop vus l'année dernière, je trouve. Donc... c'est un peu, je pense que c'est ce qui fait que cette année j'ai le sourire, c'est qu'au pire, même si l'année n'est pas bonne, le titre était là l'an dernier, les titres étaient là. Au moins, ça c'est acquis. Néanmoins, McLaren donc, a qualifié ses deux voitures sur la troisième ligne. Les deux voitures n'ont pas pris part à la course puisqu'ils ont eu tous les deux des problèmes. Pourquoi McLaren maintenant dans l'émission? Je voulais en parler tout début de l'émission parce que comme c'est un peu chronologiquement, elles n'ont pas pris le départ. Et puis parce qu'on voilà, pour les parler en tout dernier aussi, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on perd quand même pas mal de un peu d'audience aussi. Puis bon, ça reste quand même un top team. Pour le coup, on va essayer peut-être de réarranger des fois les formats des émissions quand il y a vraiment notamment des top teams, s'il faut en parler quand même plutôt au début. Quand vous êtes plus nombreux, voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle assez rapidement. Et du coup, si on n'en parlait pas, ça faisait une place libre dans la grille, on aurait dû se taire pendant 5 minutes. Donc, non, mais voilà. Et donc, forcément, on continuera à faire l'ordre de la course, mais voilà, on fait un petit peu de choses de temps en temps, et c'est pas du favoritisme, parce que c'est même pas moi qui ai pris la décision. Donc, non, parce que moi, je voulais en parler vraiment avant les autres, en fait. Franck voulait parler en tout premier. Et moi, j'ai dit, on va quand même laisser la priorité aux deux équipes qui ont dominé le week-end. Donc voilà, mais en tout cas, alors McLaren, donc, c'est la première équipe à qualifier ses deux voitures et à n'en avoir aucune qui prend le départ. Depuis le Grand Prix d'Espagne 2002, c'était Minardi qui avait eu des ailerons non conformes, je crois, ou qui avait eu des ailerons qui cassaient et qui avait décidé de retirer ses voitures par précaution. Donc c'est vraiment, c'est rare, hein. C'est quelque chose qui arrive rarement et c'est pas très glorieux. Donc voilà, et écoute, je te laisse dire la suite. Moi, j'ai pas grand chose à dire à part que... voilà, c'était pas très bon niveau performance et que la fiabilité pose vraiment problème. Globalement, le début de saison de McLaren est assez compliqué. Ouais. Non, la fiabilité, c'est pas un problème. C'est juste qu'il fallait pas qu'Andrea Stella l'ouvre un petit peu trop à Melbourne. Il critiquait le fait que Mercedes ne donnait pas trop d'informations sur comment bien exploiter le moteur. Il a un peu trop critiqué. Puis Toto, il a dit, On va se débrouiller pour qu'il y ait un petit bug sur les deux McLaren et que ça parte pas au Grand Prix, puis voilà. c'était la petite sanction. Non, j'ai vu passer la blague en tout début d'émission, je sais plus qui c'est qui l'a fait, je crois que c'était Théop qui l'a fait. Et en fait, c'était la blague que j'avais préparée pour lancer l'intro sur McLaren. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est arrivé aux deux McLaren, deux soucis électriques, apparemment indépendants. Donc c'est quand même en plus une coïncidence extrêmement malheureuse, comme l'a décrit Andrea Stella. Donc non, évidemment, je ne crois pas à la théorie du complot et que Mercedes ait volontairement saboté les McLaren. Même si effectivement l'affaire McLaren, enfin le fait que McLaren critique autant, c'est pas vraiment une critique, c'est plus des points d'interrogation, parce que vous avez d'un côté Ferrari, enfin Haas qui loue la transparence de Ferrari sur le fait que Ferrari vraiment partage tout sur comment bien exploiter la puissance et tout, ce qui du coup profite vraiment à Ferrari, au moteur Ferrari, à ses équipes clientes. Alors que Mercedes, pour donner les meilleures stratégies de déploiement, de gestion d'énergie, c'est un petit peu plus débrouillez-vous, quoi. Voilà, c'est regardez ce qu'on fait nous, regardez les traces GPS, et puis apprenez de ce qu'on fait, et progressez comme ça. Donc, sportivement, c'est normal. Haas ne va pas inquiéter Ferrari. McLaren, par contre, peut inquiéter Mercedes. Donc, Mercedes ne va pas, évidemment, filer toutes les clés de la gestion de son moteur à McLaren. Sachant que McLaren a strictement les mêmes cartographies, les mêmes outils, les mêmes possibilités de réglage, évidemment, dans les normes tolérées par Mercedes. Voilà, en termes de fiabilité, ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi en termes de récupération ou de recharge ou d'agressivité sur différents modes, mais ils ont strictement le même moteur avec les mêmes logiciels possibles. Mais c'est à McLaren d'apprendre un peu plus leur moteur, alors que Ferrari file un peu plus les clés à ses clientes, notamment Haas, hein, voilà, on le voit, parce que ça leur permet aussi d'apprendre plus vite. Bon, Cadillac pour l'instant en termes de performance sont quand même plus loin, donc c'est quand même pas plus compliqué d'avoir des retours, mais voilà, donc McLaren doit se débrouiller parce que c'est un top team et c'est potentiellement un concurrent pour Mercedes pour le titre. Alors là, ça l'est moins, puisque comme tu l'as dit, en termes de performance, aïe aïe aïe. Ça pique un peu. Ouais. On est à une seconde, hein, chez McLaren de Mercedes, hein, concrètement. Là, c'est vraiment la troisième force du plateau, voire peut-être même la quatrième quand la Red Bull veut bien fonctionner correctement. Mais c'est très très loin de Mercedes et c'est très très loin de Ferrari aussi. Donc j'étais vraiment étonné, moi, de l'écart ce week-end à Shanghai entre McLaren et les deux autres. Donc bon, est-ce qu'ils payent leur saison 2025 à vraiment jouer le titre mondial? J'ai envie de dire pas forcément, puisqu'ils ont quand même arrêté assez tôt les développements et ils s'attendaient pas forcément au retour de Red Bull, donc ils ont dû faire avec les moyens du bord. Et je pense qu'ils commencent vraiment à payer le système, effectivement, de développement inversé. Hein. Les premiers ont beaucoup moins de temps de développement aéro que les autres. Mais il n'empêche que Mercedes et Ferrari n'en veulent pas aussi énormément non plus. Alors certes, ils ont peut-être un peu plus sacrifié leur saison 2025, mais ça ne justifie pas pour moi autant d'écart sur un début de championnat. Parce qu'en fait, McLaren se retrouve quasiment au niveau de Red Bull, et Red Bull a beaucoup développé sa voiture l'an dernier. Donc, quasiment au niveau de Red Bull, en termes de chrono, il y avait quand même un monde entre McLaren et Red Bull, hein, pour le coup. Red Bull était à deux secondes. Hein. Oui, alors, au tout début. Après, c'est quand même revenu un peu plus le lendemain. Ouais, un peu. Mais alors là, on ne sait pas trop, hein, parce qu'en fait, ils avaient les mêmes chronos Red Bull que le samedi que le vendredi, sauf que la pole de la course était plus lente que celle du sprint. Donc, je pense que il y a eu soit des soucis, question météo, question conditions de piste, peut-être question du vent aussi. Ça n'a pas été trop expliqué, mais normalement, la progression qu'on voit quand même assez énormément du vendredi au samedi, surtout à Shanghai, hein, une piste quand même qui n'est pas très utilisée, un peu plus que par le passé, mais quand même pas très utilisée dans l'année, était quand même assez poussiéreuse le vendredi. Donc, on a tous été assez étonnés de ne pas voir les chronos progresser. Ouais. Maintenant, juste une question, ils n'ont peut-être pas progressé parce que aussi d'autres stratégies de gestion d'énergie étaient peut-être plus intéressantes à utiliser aussi. Donc, c'est possible, il y a sûrement des ajustements de fait. On n'a pas tous les éléments pour répondre là-dessus. Alors non, Lambo Diablo, McLaren n'a pas tout mis sur 2025, parce que justement l'an dernier, ils se sont fait remonter par Red Bull qui eux avaient fait une grosse évolution en fin d'année, et ils avaient dit on peut plus, c'est trop tard pour qu'on se remette sur la voiture 2025. Donc voilà, maintenant oui, ouais, je suis d'accord avec Exoprod, d'ailleurs merci de t'être abonné. McLaren a quand même réussi à faire des développements impressionnants ces dernières années, donc on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un gros package dans la saison. J'ai vu que... Lambeau Diablo disait ils ont le même moteur les clients que les fabricants depuis peu. Ça fait quelques années quand même. Je sais plus la date. Non, non, ça fait un bout de temps quand même. C'est avec l'arrivée des V6 hybrides, je crois. Les parties mode, les fameux parties mode de Mercedes qui avaient posé tant de débats. C'est là que du coup on avait dit que les cartographies devaient être strictement les mêmes. Ouais, et en le hardware était bien avant. Ouais, le hardware était déjà le même depuis avant. Ouais. Et pour la cartographie, par contre, c'était strictement les mêmes, justement, depuis ce fameux party mode. Que d'ailleurs, Hamilton a oublié d'en parler, que Hamilton soupçonne Mercedes d'avoir un petit peu, ce qui n'est pas possible normalement. Mais le party mode de Mercedes, c'est en fait le fait qu'ils ont beaucoup plus de connaissances de leur moteur, c'est tout. Bah oui. Et voilà. Théo nous demande, très sérieusement, il n'y a pas de zone grise avec les fabricants moteur. Non, c'est juste que. Tu as un avantage en tant que fabricant moteur parce que le moteur est développé par eux, donc forcément c'est logique que McLaren n'ait pas accès à tout. Et en fait c'est le comment dire, il faut bien payer à un moment le fait d'être juste un client. C'est-à-dire que McLaren a été très en forme sur la génération d'avant parce que le moteur était gelé depuis 2022. Donc forcément toute la génération précédente, le moteur c'était un moteur qui était le même et tout le monde avait les meilleures cartographies possibles, les meilleures exploitations. Puis en plus c'était le V6 hybride avait déjà 10 ans, donc forcément, même 12 saisons. Donc forcément, c'était suffisant pour comprendre le moteur et l'exploiter quasiment aussi bien que Mercedes, voire aussi bien. Là, maintenant, on est sur un tout début de réglementation. Mercedes a travaillé, ils ont développé, ils ont compris le moteur avant que McLaren ait le fonctionnement. Et McLaren a eu les plans très tôt, et ça, Mercedes a communiqué aux équipes dès qu'il y avait des changements sur l'implantation, sur tout ça. C'était communiqué rapidement, mais tout ce qui était logiciel et tout ce qui était... gestion d'énergie, bah c'est les clients doivent l'apprendre en fait une fois qu'ils ont le moteur entre les mains ou dans le banc dans le simulateur. Sauf que forcément il y a un avantage à être motoriste, et je serais tenté de dire tant mieux parce que le motoriste se casse quand même, enfin se tape un développement à des centaines de millions d'euros. Donc c'est pas un mal en soi qu'il y ait un avantage là où le client paye juste un forfait pour acheter les moteurs. Je réponds à Choum quand même qui dit que c'est il a peur que pour McLaren ce soit pas l'aéro cette fois. Ah si, justement ils l'ont dit, hein. Il y a un peu de tout, hein. Il y a effectivement un peu dans l'utilisation du moteur. Ça, j'ai envie de dire que c'est le plus facile à rattraper, parce qu'une fois qu'ils ont compris quelles sont les bonnes stratégies d'utilisation. Oublions pas qu'on était sur un week-end sprint aussi, hein. Donc Mercedes avec son moteur, avec une bonne connaissance, il pouvait arriver directement avec de meilleurs réglages, de meilleures exploitations que McLaren, je pense. Mais McLaren a quand même clairement dit que le châssis, l'aéro était, voilà, il m'en manquait encore clairement. Hein. Puis ça se voit d'ailleurs sur les traces GPS en virage. Ouais. Il y a Ferrari devant, Mercedes juste derrière et McLaren encore un cran en dessous, quoi. Et Red Bull, j'en parle même pas, parce que bon, Red Bull c'est un peu différent, mais il y a eu quelques analyses qui ont été faites. Red Bull pour le coup c'est vraiment parce que comme ils sont en mode recharge un peu dans les virages, ça déstabilise énormément la voiture. Ce qui fait qu'elle passe moins vite. Ouais. Mais ça la rend hyper nerveuse. Mais si vous enlevez ça, le châssis Red Bull, normalement, est légèrement au-dessus du McLaren, hein, normalement, en termes d'aéro, en termes de châssis. Donc le McLaren, c'est un peu la quatrième force du plateau là-dessus. Donc il y a quand même du boulot aussi là-dessus pour eux. Donc j'ai envie de dire, la partie moteur, c'est le plus facile à rattraper. Quand ils auront compris comment bien exploiter. Après, effectivement, il faudra quand même bosser sur la partie châssis aéro. Et je pense qu'il y aura un énorme package. Il avait dit, hein, pour la châssis aéro, ils vont faire un gros package un peu plus tardif que les autres. Alors du coup, le changement de calendrier va peut-être leur permettre de bosser plus vite dessus que prévu. Mais eux, ils avaient dit que contrairement aux autres équipes, ils n'amèneraient pas dans les 3-4 premières courses de la saison un package. Ils préféraient attendre et avoir plus de données en piste, estimant que les données en piste étaient beaucoup plus sensibles que les données en simulateur ou en soufflerie. Et que ce serait plus efficace de travailler avec ces données-là. Donc je pense que McLaren va faire exactement ce qu'ils faisaient avant. De toute façon, c'est toujours Rob Marshall qui est à la tête du département technique. Et on sait que c'est quand même lui qui était un des artisans des packages très très bons depuis 2023. Et des Red Bull avant. Hein. Vous pouvez dire que Rob Marshall avait aussi participé à la conception de la fameuse RB19 qui a gagné 21 courses en une saison. Très bonne remarque de Slovic 1024. Il dit que les équipes clientes de Mercedes n'avaient pas la version finale lors des essais de pré-saison aussi. Donc c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, c'est aussi un handicap de ce côté-là. Ça, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas d'obligation en essai privé. Et effectivement, oui. Mercedes était dans son bon droit. Et puis, ils ont trois clients, donc forcément, ça fait beaucoup de moteurs à produire. Oui, et puis ils ont essayé aussi d'aller jusqu'au meilleur pour tout le monde aussi. Bien sûr. Ça veut dire que pour eux, voilà, ils avaient produit une version 0.9 pour tout le monde, et la version 1.0, celle qui était homologuée, entre guillemets, était du coup la dernière produite, la dernière possible à arriver, qui est forcément la meilleure. Donc tout le monde a la meilleure, donc c'est aussi une stratégie qui est gagnante à moyen terme pour tout le monde, qui était évidemment pénalisante peut-être sur ce coup-là, mais je pense pas que Mercedes s'attendait aussi à ce que McLaren galère autant aussi à comprendre les cartographies moteurs à appliquer sur les. Quand je dis cartographie moteur, c'est un peu faux. C'est les cartographies de gestion énergétique qu'il faudrait dire. Pardon. Que ouais, je pensais pas qu'ils s'attendaient à ce qu'ils galèrent autant ou à se mettre autant à niveau que ça, quoi. Donc, et il y a vraiment beaucoup de boulot, hein. Il y a rien qu'à voir la différence d'exploitation, elle est vraiment différente. Et le fait que justement aussi que le châssis McLaren soit moins bon, l'aéro McLaren soit moins bonne, ça joue aussi énormément parce que du coup, en passant moins vite dans les virages, on recharge aussi moins efficacement dans ces phases-là. Donc en fait, c'est la double peine, hein. C'est ce qui est beaucoup expliqué. C'est la double peine pour McLaren, c'est que du coup, non seulement ils peuvent pas copier encore exactement ce que fait Mercedes, mais comme ils passent moins vite dans les virages, bah là où ils peuvent faire de la régène, bah ils sont encore plus pénalisés du coup. Donc c'est vraiment de la double peine pour le coup. Complètement. Non, c'est un peu compliqué, mais bon après c'est voilà. De toute façon ils avaient dit que c'était, ils s'attendaient un peu à une saison compliquée. On y est. Je suis pas trop surpris. Maintenant c'est vrai qu'il va falloir aller un peu plus vite en deuxième partie de saison. Thierry nous demande si on peut faire une minute de silence. J'aurais bien dit oui parce qu'il est fan de McLaren, mais le problème, c'est que ça risque d'être un peu long pour les gens qui nous écoutent, notamment en podcast, donc on va éviter. Sinon, c'est pas très radiophonique. C'est pas comme les blancs à la radio, parce que quand il y a les blancs à la radio, en général, il y a une piste de secours qui s'enclenche au niveau du serveur. Mais on a des petits violons façon FIP. C'est ça. Si tu veux, je peux te mettre une petite musique funéraire, hein, mais bon, on n'est pas là. Quand même, sinon, on met la présentation de l'Audi, c'était pas mal, le niveau ambiance. Non, mais au moins, ils ont pu regarder la course tranquillement, voilà, dans ce qu'ils disaient. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas regardé. Ça fait très longtemps que je n'avais pas regardé de Grand Prix de suite à la télévision. Donc, Alors, c'est quand il l'a dit, il y avait une aigreur dans sa voix. Il a fait un seul tour en course, quand même. Ah, c'est horrible. Lui, en termes d'apprentissage sur les duels et autres, c'est. Bon, il a quand même roulé en sprint. Mais en course. C'est quand même rude. En termes d'apprentissage, ça va être chaud pour lui. Puis il va débarquer à Miami, peut-être, s'il arrive à prendre le départ. Il va pas se mettre dans le mur ou je ne sais quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a un, c'est de sa faute. Ah oui, c'est clairement de sa faute. Ça, c'est sûr. Même s'il y a des paramètres de pic de couple et compagnie qui sont intervenus, il n'y a pas besoin d'aller titiller le vibreur sur un tour de connaissance. Alors on dit Piastri, Manu, même combat, mais moi les courses, j'ai pris part parce que j'ai fait le live jusqu'au bout, donc j'ai pas fait comme Piastri, j'ai pas abandonné avant. Heureusement, ouais. C'est magique, problème d'ordinateur. Y a pas un mode boost inversé pour recharger à mort, genre en tour de formation ou SC? Non, c'est pas un mode, enfin, c'est juste, y a une recharge particulière à faire parce que c'est plus compliqué de recharger quand ils vont plus lentement, mais d'un côté ils bouffent moins d'énergie quand ils sont plus lents. Ils peuvent faire du super clipping, c'est-à-dire ils peuvent effectivement, si, ils peuvent faire des choses évidemment, mais c'est... Oui, l'idée ça va être d'aller plus haut dans les rapports et tout ça, et après c'est ça. Ralentir davantage, et puis voilà, mais bon, il y a des. Ouais, après, ils sont aussi dépendants de ce que font les pilotes devant eux, donc il faudrait aussi réagir. Pour l'instant, c'est toujours interdit, je crois, de laisser trop de longueur en plus entre les voitures. Oui. C'est vrai que si la FIA, et c'était une des demandes qui avait été faite et qui pour l'instant était totalement refusée par Ferrari et par les équipes de Ferrari, c'est-à-dire que de libérer un petit peu le tour de formation pour qu'il y ait plus d'écart entre les voitures, pour que les pilotes puissent mieux recharger leur batterie pendant le tour de formation, histoire qu'elles soient toutes 100% pleine au départ. Il y avait ça, et il y avait aussi le fait que sur certaines lignes de départ, vous avez une ligne de départ une position de départ qui peut être avant la ligne de chronométrage ou après la ligne de chronométrage. Et selon que vous êtes avant la ligne de chronométrage ou après la ligne de chronométrage, votre énergie rechargée, elle compte pour le tour d'après ou pas pour le tour d'après. Et c'est une des trucs qui avait surgi effectivement à Melbourne, ce qui expliquait pourquoi beaucoup de pilotes s'est retrouvé sans batterie. Au départ, ça avait été aussi mal anticipé. Donc, ouais, mais ça, non, ça restera comme ça. Ça a été figé. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, qui avaient été mis en avant par Ferrari, à juste titre, par Fred Vasseur, notamment le. Bah voilà, eux ont choisi de prendre un petit turbo pour anticiper un peu plus peut-être ces phénomènes-là. Donc du coup, ils arrivent beaucoup, beaucoup mieux à mettre en charge et à prendre des super départs. Hein. Voilà, on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on aurait quand même pu en parler, mais encore une fois, des départs absolument monstrueux. C'était de Ferrari. Un peu moins choquant en course que ça a été à Melbourne ou lors du sprint, ouais. Mais ça reste quand même vraiment impressionnant. Voilà, la pole, ça sert plus à rien, clairement. J'attends le jour où Ferrari va faire une pole, parce que là, du coup, ils auront, ils auront 200 mètres d'avance au premier virage. Ils vont mettre une seconde tout de suite, comme s'il n'y a plus de mode recharge. Mais voilà, mais c'est voilà, il y a des choses, bah voilà, c'est bien d'avoir de l'intelligence parce que tout le monde se plaint que la Formule 1 fait pas trop de différence, que la F1 est trop normée. Bah c'est bien, tout le monde a des petits avantages. Donc Ferrari, ils ont trouvé un petit truc sur les départs, enfin sur le turbo en tout cas, sur la recharge. Mercedes, c'est un peu plus fort sur certaines autres choses. Certains ont privilégié la fiabilité, d'autres ont privilégié la performance. C'est ça, donc certains n'ont aucun des deux. Parce que si vous voulez voir de la Formule 1 normée, allez voir autre chose, quoi. Bah sinon regardez la saison 2025 parce que c'était la grosse plainte qu'il y avait sur l'an dernier. Donc non moi je trouve justement que c'est bien en fait que c'est Et toi le polaire qui dit que j'aime pas le départ, ça pré-start ça fait fake. Alors en plus ce pré-start c'est quelque chose qui a été concédé par Ferrari parce que au départ c'est 5 secondes supplémentaires, Ferrari n'en voulait pas. Ils ont quand même concédé je vais ressortir un autre article demain là-dessus. Parce qu'apparemment, ça veut encore discuter, disant que c'est pas suffisant, machin, tout ça. Vasseur, il a dit non, c'est bon, j'ai déjà donné la main, je vais pas donner le bras non plus. C'est un petit peu ce qu'il a dit. Donc, il a fait une première concession qui était de laisser 5 secondes pour que les turbos puissent monter en régime. Il y aura pas plus. Voilà. Au bout d'un moment, stop. Voilà. Ils ont fait un choix qui était de prendre le turbo qui était adapté au départ. Vasseur a souligné dès l'an dernier que les départs allaient poser problème. Il a pas été écouté. La FIA a dit aux équipes, c'est aux équipes de de se plier au règlement tel qu'il est et donc de concevoir leur monoplace en fonction. Les autres n'ont peut-être pas réfléchi à ça. C'est déjà très bien qu'il y ait 5 secondes de plus pour elles. Exactement. Voilà. Exactement. Et on accueille Alex qui vient de nous rejoindre. Enfin, comment vas-tu, Alex ? Bonsoir, désolé pour le retard. Je suis pas parti un peu comme les McLaren. tous mes voeux de compassion pour Manu. Merci. Qui a vécu un de ses meilleurs week-ends. J'ai pas vécu mon meilleur dimanche de F1, effectivement. Là, t'es au côté en mode Aston Martin si tu rejoins la course, c'est ça, pour apprendre. C'est ça. Il avait abandonné avant le départ, mais il est revenu après. C'est ça. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie en stock. C'est ça le problème. Ça vibrait trop, peut-être. Ouais, il a fallu stabiliser le bureau. Mais non, effectivement, pour les McLaren, on a totalement oublié qu'ils étaient les doubles champions du monde. Hein. Moi, c'est un petit peu l'impression que ça me fait. Ah oui, c'est clair. On l'a tous complètement zappé. Je suis d'accord avec toi. C'est champion du monde. Et voilà, on a rarement vu, mais c'est pas la fin de Norris pour le coup. Champion du monde, une équipe double champion du monde aussi effacée finalement. Après, l'expérience a déjà montré par le passé, 2023-2024, que McLaren pouvait renverser la table assez rapidement. Mais il y a déjà des gros points de retard qui sont pris au classement de pilote. Donc ça, c'est vraiment le problème urgent, mais ça nous dit aussi quelque chose sur la fiabilité de ce moteur Mercedes, qui n'est pas non plus extraordinaire. On l'a vu aussi avec Russell en Q3, à l'inverse de, par exemple, le moteur Ferrari, hein, qui semble, lui, beaucoup plus fiable. Complètement. C'est vrai que c'est aussi un problème qui globalement touche toutes les équipes. On y reviendra un peu plus tard. Donc après cette petite parenthèse sur l'équipe qui n'a pris aucun départ, on va revenir sur notre classement, on reprend notre défilement et on tombe sur As, puisque Oliver Berman a terminé 5e, Esteban Ocon a terminé 14e, après une course un peu plus compliquée, globalement un week-end un peu plus compliqué. L'équipe est 4e du championnat, du coup, c'est pas passé loin qu'elle passe 3e du championnat devant McLaren. Bon, globalement, c'est vrai que... Ça, c'est très bien chez As, très bon bilan en termes notamment de performance de la voiture, performance du moteur évidemment et surtout fiabilité du moteur puisqu'on a, on disait c'est un Ferrari. Et globalement je suis assez impressionné et surtout Berman fait des week-ends depuis le début de saison, des week-ends vraiment impressionnants. Il est toujours présent aux avant-postes ou en tout cas derrière les avant-postes, ce qui est quand même bien. Tiens, on va commencer par toi Alex puisque tu viens d'arriver. Qu'as-tu pensé du week-end de As? C'est vraiment, comme tu l'as dit, un excellent week-end, mais qui reste contrasté pour les deux pilotes. Alors, si on commence par les bonnes nouvelles, c'est Berman qui prend effectivement un départ très mauvais. Alors, j'ai bien aimé sa déclaration d'après-course assez humaine. Il disait « j'ai failli tuer Hadjar », en disant « mince, j'ai pas utilisé de bons mots, c'était chaud, c'était tendu ». Mais c'était assez rafraîchissant. C'est toujours assez rafraîchissant de voir des attachés de presse un peu s'arracher les cheveux, donc ça veut dire des déclarations qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais au-delà de ça, alors week-end contraste aussi Berman, parce que Ocon était quand même devant lui, hein, c'était quand même plus avantageux du côté d'Ocon que du côté de Berman la majorité du week-end. Mais ensuite le problème c'est que Ocon a fait cette bourde dont on pourra reparler, et d'ailleurs il s'est Il s'est d'ailleurs excusé tout de suite. Mais voilà, c'est, le problème, c'est que là, on a l'impression qu'Ocon est en train de perdre pied chez As, avec une monoplace qui peut jouer les top 6, qui peut jouer les top 7, qui est la cinquième force, quatrième force, sixième force, ça dépend. Voilà, ils étaient peut-être même la quatrième ou cinquième force du plateau. Quatrième, je crois. Devant Red Bull, finalement. Bientôt troisième. Ah, Manu. Et finalement, il n'y a qu'un seul pilote qui marque des points chez As. Quoi. C'est 17-0 déjà pour Berman face à Ocon. Voilà, le baquet d'Ocon, il n'est pas encore totalement en danger, mais évidemment, si ça continue sur ce rythme, Komatsu, qu'il avait déjà mis sous pression cet hiver, va commencer à se poser d'autant plus de questions. Quoi. Ouais. Le problème, c'est que Berman est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Hein. Faut oublier que c'est un pilote qui termine 7e pour sa première course avec Ferrari en remplaçant Sainz un samedi matin sur un circuit compliqué. Et au final, il a toujours été au très très bon, un très très bon niveau. Moi, je pense qu'il est de la même trempe qu'Antonelli, notamment. Ocon fait un peu pas le figure à côté, ce qui est compliqué, surtout qu'il est un peu effectivement dans une spirale négative mentalement, j'ai l'impression. Et quand les choses semblent aller mieux, et ben il y a toujours un truc qui arrive, un petit problème, une petite erreur, qui font que Berman reprend l'avantage. Et c'est vrai qu'en plus, non seulement Ocon n'a pas marqué, mais Berman marque à chaque fois. Il marque en course en Australie, il marque au sprint en Chine, il marque en course en Chine. Alors c'est pas énormément de points à chaque fois, mais ça en fait déjà 17. Et c'est 17-0, ça fait au bout de deux week-ends de course, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, toi. Est-ce que tu vois une explication à ça ou est-ce que j'ai vu des analyses, enfin j'ai regardé un petit peu ce qu'on disait sur Esteban Ocon un peu sur les réseaux et ou chez d'autres confrères. J'ai quand même commencé à remarquer une petite chose qui ressortait, c'est que Esteban, quand ça va pas, il y a toujours un truc qui va pas au niveau de la voiture ou des réglages ou le châssis. Il y a toujours un problème du côté de l'équipe et cette rengaine, il la sort en fait quasiment à toutes les saisons quand il y a quelque chose qui va pas pour lui. Ça commence à devenir un petit peu l'excuse voilà, récurrente de son côté quand ça va pas dans son sens. Je crois quand même qu'il va devoir faire attention à ça parce que Komatsu le connaît bien. Komatsu est patron d'équipe mais aussi ingénieur. Donc il voit très bien aussi ce qui se passe sur les deux voitures. Donc j'ai envie de dire que cette excuse là qui nous sert un petit peu trop souvent, il va falloir qu'il arrive à la mettre de côté, peut-être qu'il prenne un petit peu sur lui, que s'il y a vraiment un problème de réglage, et ben qu'il l'aborde avec l'équipe et qu'il tente autre chose et qu'il fasse autre chose, parce que voilà, si les réglages n'en vont pas, c'est que du côté de Berman ça va, donc du coup il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour les deux. Je vois pas pourquoi As pénaliserait Ocon. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même une petite partie qui est en train de revenir un peu de pression sur Ocon lui-même. Outre bon, comme tu l'as dit Alex, la bourde qu'il a fait en course et qui évidemment le coûte très cher parce que le tête à queue, les pièces qui volent et les 10 secondes de pénalité en plus, ça n'aidait pas pour le classement final. Sinon il joue les points aussi, hein, clairement. Mais voilà, s'il y a toujours un truc qui va pas et c'est toujours la faute des autres ou toujours la faute de quelque chose. C'est juste ce que je retiens et ça commence un peu à la ritournelle commence un petit peu à monter. Après, un peu trop souvent. Ouais. Bon, d'une part, il a reconnu ses torts sur ses 10 secondes. Oui, ce que d'autres pilotes ne font pas. Le choix. Oui, ça oui. Bon, après, les images étaient quand même pas très arrangeantes sur Colapino, mais il a quand même reconnu. Après, l'autre rayon d'espoir qu'on peut avoir, c'est que jusqu'à la Q2, il était quand même devant Berman, quoi. En tout cas, sur un tour rapide. Donc, ça, c'est quand même le motif d'espoir que je retire. C'est plus les circonstances de course qu'une erreur, plus que sa performance intrinsèque qui l'ont fait dérailler. Donc oui, sur ce coup-là, je suis d'accord. Mais c'est bête que ça arrive alors que le reste allait bien pour une fois. Après, Berman, lui aussi, n'a pas fait des week-ends propres. Hein, mais lui, il excuse d'être rookie. Hein, d'être quasi rookie en tout cas. On ne peut plus dire rookie maintenant. C'est fini rookie. Ça y est, c'est un ancien maintenant avec une saison dans les pattes. C'est vrai qu'on est content de dire rookie. Hein. Je vois même pour Adjar aussi, il y a beaucoup de gens qui disent encore rookie alors qu'il ne l'est pas. Je dis ancien rookie. Pourtant, ils ont passé une saison. Ex-ancien, après ce sera ex-ancien rookie l'année prochaine. Ils ont une saison dans les pattes, c'est déjà quasiment 2 ans pour quand c'était les anciennes saisons. Ils font 24 Grands Prix par an, donc ça va. C'est ça. On rappelle qu'Alonso a fait les essais jeunes pilotes à son retour. Ça reste toujours du foutage de gueule. 6 ans après, 5 ans après. Non, non, moi j'ai envie, moi, juste pour revenir sur. Bon, Berman, franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que ce pilote, il est promis un très grand avenir. Et que si Hamilton prend sa retraite dans les 1 ou 2 ans, avec peut-être un titre mondial, souhaitons-le lui, pour lui en tout cas, il sera tout destiné. Bah, moi, j'adorerais voir Lewis avec un 8e titre, enchaîné par un premier titre de Leclerc. Ça serait pour moi le scénario idéal. En fait, ce serait bien si Hamilton fasse le 8e titre et prenne sa retraite, comme ça, c'est vraiment le. Ouais, bah ouais, comme ça. Et puis Leclerc, premier titre dans la couleur de 2027. Et Berman, dès 2027, chez Ferrari. En tout cas, pour moi, il n'y a aucune raison que Ferrari ne le considère pas en toute première position. À moins que Verstappen claque la porte de Red Bull et se laisse encore une fois. S'il claque la porte de Red Bull, c'est pour partir en GT, à mon avis. Ouais, là, je pense que, effectivement, je ne vois pas rebondir ailleurs. Mais en F1, en tout cas. Mais pour moi, voilà, Berman, c'est le futur pilote Ferrari, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que surtout Ferrari aura sûrement envie d'un pilote enthousiaste, donc. Bref. Mm-hmm. Mais, non, mais ouais, Berman, mais pour moi, il est promis à être en rouge un jour. Et de toute façon, Ferrari a tellement parié sur lui depuis longtemps. On ne faut pas non plus sous-estimer l'argent qu'ils ont dépensé dans sa formation. Profitons-en, c'est comme Antonelli, tout le monde disait en dernier pourquoi ils le mettent. Si les équipes, enfin très rarement, Red Bull est un peu mis à part parce qu'ils ont vraiment des gestions de pilotes, ils avaient en tout cas des gestions de pilotes particulières, mais très souvent les académies qui dépensent de l'argent sur un pilote dont elles pensent qu'elle vaut le coup, ils vont au bout et ils le titularisent. Donc voilà, après, à part quelques exceptions, mais Ferrari, c'est évident, ils avaient fait pareil avec Leclerc, c'était vraiment l'exemple précédent. Leclerc a été pris par Ferrari assez tôt, ils l'ont soigné parce qu'ils ont vu qu'il était très bon, et ils l'ont titularisé dès sa deuxième saison en Formule 1 chez Ferrari. Donc Berman, c'est un peu plus long parce que le duo de pilotes était déjà impressionnant chez Ferrari et qu'il n'y a pas de place pour l'instant, mais c'est pas grave, il fait ses armes, c'est un peu comme Russell chez Williams à l'époque, et à mon avis, quand il arrivera chez Ferrari, il sera à un niveau qui sera impressionnant, que ce soit pour remplacer Hamilton ou Leclerc, si Leclerc un jour a des envies d'ailleurs, mais dans tous les cas, c'est. Il y a Perez chez Cadillac Ferrari. Il attend toujours sa place chez Ferrari. Ah oui, mais bon, et ce con, il a quitté Ferrari pour aller chez McLaren, ce qui était, avec le recul, une très très mauvaise décision. C'est ça. Parce qu'il s'est quand même fait jeter comme un malpropre au bout de 8 mois. mais bon. C'est, voilà, mauvais choix, c'est comme ça. Hein. Après, moi, je comprends. Je rejoins McLaren, choix, c'est vrai, pour les un pilote. Les Hispaniques ont toujours la palme. Oh. Écoute, au moins on peut pas dire qu'Alonso ne vibre pas pour la F1. Ah bah Carlos Sainz, Alonso. Oui. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est vrai que chez Haas, moi, ce qui m'étonne le plus dans le discours d'Ocon, pour revenir à ça, qui m'inquiète un peu, c'est son histoire de réglage. J'ai toujours entendu parler des réglages des voitures. Et pour moi, les réglages dépendent du pilote et de ce qu'il veut, en fait. Donc je vois pas en quoi il dit que, quand on dit j'ai pas la même voiture, et ça je pouvais l'entendre chez Alpine, il disait que des fois il y avait pas la même voiture, des fois il était pas traité pareil et tout. Ça je pouvais l'entendre parce que on sait qu'Alpine, en plus, quand il avait un pilote dans le nez, ça pouvait être catastrophique. Mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des réglages qui lui soient cachés ou qu'il y ait des choses qui lui soient empêchées ou je sais pas quoi. Et du coup, si la voiture n'est pas bien réglée, c'est lui qui a en plus une sensibilité technique énorme, qui a passé des années chez Alpine à faire le développement. Il le disait, c'était lui qui faisait beaucoup plus de simulateurs qu'Alonso quand il était équipier. Il est censé avoir un bagage technique qui fait que les réglages, c'est pas censé être un problème. Alors ça peut être un problème parce que des fois, tu as du mal à optimiser la voiture, mais tu peux pas dire il y a un problème avec la voiture à cause des réglages. J'ai du mal à régler les réglages de la voiture, et ça peut être un souci, mais voilà, c'est pour moi, c'est un petit peu ça fait une excuse un peu générique et j'ai du mal à la comprendre. Après, c'est dommage parce que malheureusement, je pense qu'il peut pas en dire plus. J'imagine qu'il y a une signification derrière, je pense pas qu'il dise des choses en l'air, mais c'est vrai que c'est un peu ça fait un peu excuse trouvée pour trouver une excuse, quoi. Mais bon, après, un très bon week-end, il se relancera. Et puis encore une fois, en performance pure, il était devant Berman. Hein. Exactement. Et ça, il a toujours ça pour lui. C'est ça qui me rend optimiste. Moi aussi. Maintenant, il n'a plus trop le droit à l'erreur. Parce que ça commence déjà à barder. C'est le pilote dont on parle le plus. Avec une épée de Damoclès déjà un petit peu au-dessus de la tête. Quoi. Il a été branché son iPhone sur le CarPlay de la voiture. Ça fait peut-être une petite batterie supplémentaire, du coup. C'est le CarPlay de la voiture, ça. Avec Waze, tu sais, t'as l'itinéraire du circuit qui est dessiné 56 fois. Avec les 22 cochons. Hein. Attention, contrôle radar à l'entrée des stands. Bref, mais voilà. Donc, en tout cas, bon, As, très bonne surprise quand même, parce que non seulement la voiture est belle, mais en plus, elle est rapide. Et pour moi, c'est une des. Il ne manque pas de rappeler que la voiture est belle. Eh ben non, elle est très jolie. Et elle est même plus belle que la Cadillac. non, je ne suis pas d'accord. Tu dis ça juste parce qu'elle va un peu plus vite. Mais... Je trouve dommage qu'on voit pas la Cadillac plus souvent, donc j'ai hâte qu'il rentre dans le top 3 pour ébattre McLaren. Bah, à défaut d'entrer dans le top 3, Pérez est rentré dans quelque chose. En tout cas, Pérez est rentré dans quelque chose, déjà. C'est vrai que Cadillac a battu McLaren, celui qui a en tout cas, ça, c'est sûr. Le problème de la Cadillac, c'est qu'on peut la trouver à beaucoup d'endroits en piste parce qu'elle part un peu en morceaux, on y reviendra, mais il y a quelques soucis de carrosserie. En tout cas, voilà, on va passer à la première voiture. Ouais. Comment ? La première voiture qui est dotée du nom d'Ubiquité. C'est ça. On va passer à Alpine. Alors là, les gens qui n'ont pas vu une émission depuis 2025 vont se dire, mais pourquoi ? Les émissions sont déjà finies, mais pas du tout. Simplement, Alpine a fait un super week-end, et spécialement Pierre Gasly. Quel week-end de Pierre Gasly ? Je vais décrocher le poster derrière moi, mais bon, j'ai le garder malheureusement. Vas-y Alex, bon, bah, on te relaisse la parole en premier. Ça y est, tu es refan du coup. Ouais, non, ben on est obligé de reconnaître que c'était un excellent week-end. Hein. Bah oui, obligé, j'aime bien l'autre. Ça fait 3 mois qu'on leur chie dessus, mais là, on n'a plus grand-chose à dire maintenant. Bah là, faut bien avouer que c'était quand même bah, peut-être la meilleure des autres, ou pas loin, hein, ça allait régulière, avec un Gasly exceptionnel. Je pense qu'il y a quelqu'un sur lequel on n'a jamais craché, c'était Gasly, quoi. Évidemment. Gasly, irréprochable, avec plein d'autres ingénieurs, évidemment. Mais lui, c'est lui qu'on voit le plus, et je pense qu'il a tout maximisé. Alors, il était même un peu déçu après la course, après ce week-end. Alors même qu'on a l'impression, lui, qu'il a tout maximisé, hein, parce que la voiture de sécurité lui a posé un petit peu de problème. Il y a eu des problèmes de déploiement, je crois, aussi à la relance, et Verman l'a dépassé. Mais bon, enfin, concrètement... P6, je crois que c'est son meilleur résultat l'an dernier aussi à Silverstone, et il obtient dès la deuxième course en ayant un rythme qui était au moins égal à celui des Red Bull. Donc c'est un excellent week-end de la part d'Alpine, et bon, s'il est à confirmer tout de même, hein, parce que voilà, on a eu deux performances très dissemblables d'Alpine entre Melbourne, c'était vraiment pas bon en qualif et pas bon non plus en course, et là où c'était bon partout. Voilà, là encore, ça reste à confirmer. On a l'impression qu'ils ont compris quand même beaucoup de choses en réglage et en déploiement hauteur, ce qui validerait leur... Oui, ce que j'allais dire, c'est surtout le moteur. Ils ont mieux compris le moteur que McLaren. Voilà, donc ce qui aussi pourrait apaiser les craintes sur le châssis, mais ils avaient plutôt les conclusions aussi inverses à Melbourne. Donc je pense qu'il y aura aussi encore quelques courses pour confirmer ce regain de forme. Mais bon, force est de constater que c'était un excellent week-end d'Alpine et sans doute simplement le meilleur depuis Interlagos 2024 ou Silverstone 2025 avec donc un Gasly de gala. Avec aussi une très bonne exécution de la part de l'équipe, ce qui était aussi rarement le cas. L'an dernier, donc voilà, un très bon rayon de soleil pour dans une nuit ténébreuse depuis plusieurs mois. Et ben oui, exactement. Et un Colapinto qui était aussi plutôt au rendez-vous. Chance, hein. Il n'a pas eu de chance et pourtant il finit quand même 10e. Il rate la Q3 pour 5 millièmes de seconde. Donc vraiment, un week-end plutôt propre de Colapinto. Probablement son meilleur depuis l'arrivée chez Alpine. C'est pas difficile aussi. C'est plus facile quand on a une voiture qui fonctionne. Et il montre d'ailleurs que quand la voiture fonctionne, il est là. Ça fait taire les critiques de son patron de l'an dernier où dès qu'il était un peu à la rue, il se prenait un scud. Mais au final. Avec la voiture qu'ils avaient l'an dernier, c'est juste Gasly qui, des fois, faisait des anomalies en faisant un très bon résultat, mais qui ne représentait pas ce que valait la voiture intrinsèquement. Et puis, effectivement, ils ont déjà la moitié des points de l'an dernier, donc c'est ça se passe plutôt bien pour l'instant. Franck, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce week-end d'Alpine ? Bah, c'est encourageant, clairement. Donc, Alpine a encore pas mal de fans en France, parce qu'il y a Pierre encore qui est là. C'est vrai que l'équipe n'a plus grand-chose de français à part son pilote, son nom et pas mal d'ingénieurs certainement qui sont à Enstone. Hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs français qui sont là-bas, qui ont fait leur trou aussi parce que bah, de l'époque de Renault. Et ça fait plaisir, évidemment, pour ces gens-là de voir que la stratégie... qui était, on le savait, quand même plutôt bonne, hein. Voilà, personne ne pouvait cracher sur dire que prendre un moteur Mercedes à la place du moteur Renault, c'était mauvais. Évidemment, on s'attendait tous à ce que le moteur Mercedes domine ce début de saison, enfin, cette ère en tout cas. Oui. Et c'est le cas. Voilà. Et en plus, Alpine semble mieux, voilà ce que je disais, semble mieux le comprendre pour l'instant que McLaren en termes de déploiement. Donc ça peut faire la différence. Bon, après il reste quand même des grosses patates, que même question châssis et aéro, hein, c'est quand même pas là non plus la meilleure voiture du plateau. Non. Alors quand on comprend bien le moteur Mercedes et qu'on utilise bien la gestion d'énergie, effectivement, on peut tirer son épingle du cheveu sur un circuit comme Shanghai. Je pense que ça a bien joué, donc j'ai envie de dire très bien, à confirmer. Voilà, et pour rajouter, pour bon, je rajoute pas plus sur Pierre Gasly parce qu'il a été parfait. Juste pour l'effectivement, je suis assez déçu pour du coup pour Franco Colapinto qui vraiment méritait pas. Bon voilà, ça arrive hein, ce genre de mésentente entre les pilotes. Esteban qui a cru qu'il y avait un trou parce qu'il arrivait beaucoup plus vite et que Colapinto lui sortait des stands et était en pneu froid, donc avec une vitesse du coup beaucoup moindre, il a pris sa trajectoire et donc, voilà, ça s'est percuté. Mais voilà, il a perdu beaucoup de temps sur tout ça, des pièces et pas mal de places. Hein. Je pense qu'il pouvait faire viser la 8e ou la 9e place sans ça. Mmh. Donc des points en plus. Bon, il marque un point déjà, son premier avec Alpine. C'est quand même cool, c'est quand même son premier point depuis les États-Unis 2024, je crois. Donc ça, c'est pour la partie très sympathique. Je fais juste un petit aparté contre tous les fans toxiques argentins qui continuent. Dès qu'il y a un truc qui va contre leur pilote, à faire des menaces, des messages de haine, pour pas dire des menaces de mort aussi, envers Esteban Ocon, parce que voilà, il y a eu un accrochage, donc ces gens-là n'ont rien à faire en F1. Donc là, pour le coup, c'est le management de Colapinto qui est monté au créneau pour dire d'arrêter directement avec des mots très clairement choisis. Message de haine, menace de mort. Tout a été clairement écrit, ouais. Noir sur blanc. Donc voilà, faut vraiment que les fans argentins se calment. Et je vois même des fans argentins reprendre nos posts sur Twitter. Voilà, quand on met le post voilà, avec la photo de l'accrochage entre Esteban et Colapinto, c'est repris par des fans argentins. Regardez la photo, machin. C'est fou, alors qu'on a strictement rien à voir. On n'a aucune, même pas une version espagnole. Mais voilà, ils reprennent tout et n'importe quoi, que ce soit du français, de l'anglais, de l'espagnol, du mexicain, de l'argentin évidemment, pour détruire. Tout ce qui ne va pas dans le sens de leur pilote. Alors, c'est très toxique et c'est vraiment à bannir et à vomir. Malheureusement, je n'aime pas généraliser en général, mais là, il faut dire ce qui est. Quand Agustín Canapino était en IndyCar, c'était exactement pareil. Dès qu'il avait une bataille avec un pilote, donc il y a eu Connor Daly, Romain Grosjean et tout ça, le pilote en question prenait des menaces de mort, des insultes, sa famille se faisait insulter, et voilà. Et je ne sais pas ce qui fait qu'ils sont aussi toxiques, mais ils sont très, très toxiques. C'est pas qu'en Formule 1 d'ailleurs. Hein. Non, pas qu'en Formule 1. La culture du harcèlement en Argentine, je sais pas pourquoi spécifiquement, mais ouais. Et là, la F1 qui s'est engagée à surveiller ça et les équipes qui ont dit qu'elles allaient le faire aussi et tout doivent. Alors, c'est bien ce qu'avait fait l'entourage de Colapinto parce qu'en plus, je pense que Colapinto doit être très triste d'être représenté entre guillemets par une fanbase comme ça. C'est honteux. Et c'est bien parce que. Par exemple, c'était bien par exemple parce que quand c'était Agustín Canapino en IndyCar, lui, il retweetait les messages de mort, tu vois. Donc ça, c'était un peu moins sympa. Il était content que ça se passe comme ça. Au moins, Colapinto dit stop. Nous, on veut pas ça. Et c'est très bien de sa part. Et bravo à lui et à son entourage. C'est important de se détacher de cette fanbase atroce parce que Colapinto, en plus, c'est un gars. Alors moi je lui en veux un peu personnellement parce que quand il parle anglais, il parle en mâchonnant ses mots et il parle très loin du micro, donc j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Mais au-delà de ça, ça a l'air d'être un gars très sympa et il a bien raison de se détacher de ça. Donc force à lui et force à tous ceux avec qui il va se battre cette année qui vont se faire insulter malgré tout sur internet et peut-être menacer. Je lis Thierry qui dit non hors de question qu'Alpine double McLaren. Bah déjà pour doubler, il faudrait que McLaren prenne le départ. Donc voilà. Désolé, je tape un peu sur mon camp, mais là, il faut dire ce qu'il y a pour l'instant. C'était pas flamboyant ce week-end. Alors, si, j'ai quand même envie de te défendre. T'as vu, je manie l'euphémisme. J'ai quand même envie de te défendre un petit peu. Enfin, en tout cas, envie de défendre un petit peu McLaren. C'est que comme c'est des problèmes électriques liés à l'unité de puissance, c'est pas des questions d'intégration, c'est pas des questions de choses de choix faites par McLaren. Non. C'est des bugs qui remontent vraiment directement à Mercedes. Donc, et d'ailleurs. Qui auraient pu normalement arriver si on une logique dans la Mercedes aussi. Donc, Exactement. Et d'ailleurs, pour compenser le fait qu'ils n'arrivent pas très bien à exploiter le moteur et ça, ils ont des soucis avec ça, leur intégration du moteur est très bonne puisqu'on avait vu à Bahreïn que c'est, comme l'an dernier, la seule équipe qui n'a pas besoin d'aérer sa voiture et donc de perdre de la performance aéro. Donc c'est que le packaging du moteur est très bon. Ils en perdre parce qu'ils n'ont pas tellement de la performance. Oh, j'étais en train de dire quelque chose de bien. Bon. Rationnellement parlant, j'ai raison. On va enchaîner. Hein. On va passer à Racing, à Racing Bulls. Donc, pour le coup, l'intégration du moteur Red Bull Ford n'est pas forcément au top. Mais par contre, la voiture est très performante. Moi, je suis très surpris parce que je m'attendais à... Ah, on a, je me permets une petite pause à quelqu'un dans le chat qui dit « Moi, je suis fan de McLaren, apparemment, ça se voit. Franck et Alexandre sont pour qui ?» Alors, Franck. Moi, j'ai toujours été pour Mercedes, moi. Évidemment. Alors, moi, alors non. Jamais... On est tous les trois en noir, j'ai... remarque. Non, moi, c'est Ferrari, évidemment. C'est... Ouais, c'est Franck, c'est Ferrari. Et Alex. Moi, c'est Alpine, mais quand Alpine est passé du côté obscur, voilà, il faut savoir renoncer. Voilà, moi, je croyais beaucoup au projet d'Alpine, à Bitbull. J'étais à fond dedans, l'équipe française, la Ferrari à la française. J'étais naïf, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ah, mais moi, c'était pareil. Hein. Moi, j'y croyais, la Ferrari. T'es sur la Renault Lution, toi. Moi, j'aime bien le Toto Wolff, le management Toto Wolff. Voilà, ce côté beaucoup plus humain. Mm. Je recherchais ça. Ça, c'est la question. J'aime Mercedes aussi. Hein. Quand tu recherches ça avec ces Briatore qu'on te met sous le nez, ça, c'est un peu triste. Moi, ouais. J'aime bien tout le monde en fait. Mais bon, jamais, c'est vrai que mon petit chouchou, c'est Ferrari. Mais Mercedes, j'ai aussi bien aimé parce que je suis aussi un grand fan de Lewis Hamilton. Donc, Mercedes aussi, je serais content qu'on t'y s'impose. Donc, moi, c'est un petit duel très sympathique pour moi en ce début de saison. Mmh. Même si je préférais que Ferrari soit plus devant, mais bon, ça va venir. Ouais, non, moi c'est McLaren, effectivement, apparemment ça se voit. On va passer à Racing Bulls, donc avec la 7ème place de Liam Lawson, qui avait déjà terminé 7ème du sprint la veille, la 12ème place d'Arvid Lindblad. L'équipe est 6ème au championnat à égalité avec Red Bull. Alors là, c'est un peu la surprise de ce début de saison, parce que ça fait depuis 2008 qu'on n'avait pas vu ces deux équipes se battre au même endroit au championnat. Et effectivement, bon, il y a beaucoup d'explications qui mènent à ça, mais notamment le fait que les performances chez Racing Bulls sont très bonnes. Lindblad a été vraiment malchanceux tout le week-end avec des problèmes mécaniques dans tous les sens. Dès les essais libres, il a fait que 6 tours, problèmes mécaniques lors du sprint. Donc forcément, pour un pilote qui découvre la F1 et découvre ce circuit, c'était compliqué d'être au niveau de Lawson. Il n'en était pas très loin. Mais globalement, très très bonne performance, Franck, sur cette V-Carb 03. Oui, moi c'est Lindblad qui m'avait pas dit, comme tu l'as dit. Il fait très peu de tours en libre sur un circuit qu'il ne connaît pas du tout, en plus. Et il arrive à être au niveau de Lawson quasiment aux qualifications sprint juste derrière, donc c'était comme moi c'est là qu'on a prouvé encore une fois que Lindblad il a vraiment l'étoffe d'un très grand pilote. Après je pense qu'effectivement son manque de roulage, son manque d'expérience du circuit a fait que Lawson était un peu plus devant lui ce week-end, mais honnêtement c'était quand même plutôt un bon week-end de Lindblad avec ce qu'il a eu avec la technique qu'il a un petit peu lâché cette fois-ci. C'est comme passé de façon plus fluide pour Lawson qui a marqué des points du coup dans le sprint aussi, il me semble, c'est ça? Oui, il fait 7ème. Oui, c'est ça, dans le sprint et dans la course. Le sprint, il s'arrête pas sous la safety car et c'est payant. Voilà, comme quoi le moteur Red Bull Ford sait prendre des bons départs, comme quoi le moteur Red Bull Ford sait marquer des points. Ouais. Et c'est être fiable. Ça, c'est plus violent que ça. Mais c'est vrai, ils en sont à 4 arrivés en deux courses. Hein. Non, mais c'est vrai, non, parce que je note ça maintenant, parce que après, quand on parlera de Red Bull, j'irai tacler un certain pilote néerlandais qui a osé dire des choses. Guido van der Garde. Mais pourquoi? Oui, voilà. Donc voilà, Racing Bulls démontre que ce moteur, certes, n'est pas parfait. Certes, il a encore des problèmes de fiabilité, des bugs et tout ce que vous voulez, comme le moteur Audi, comme beaucoup moins que le moteur Honda. Mais c'est une base fiable et assez performante pour débuter le. Et quand je dis même assez performante, ça y est, même les vitesses de pointe des Racing Bulls et des Red Bull qui sont quand même dans le top du panier. Donc, la puissance brute est là. Ouais. La gestion est peut-être pas là et la recharge n'est pas faite correctement. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Mais la performance pure du moteur, elle est là. Après, son exploitation est plus problématique. Mais voilà, Racing Bulls démontre que, je pense qu'ils ont fait une monoplace qui était assez saine à exploiter, peut-être avec beaucoup moins de risques techniques que la Red Bull. C'est payant pour l'instant, parce que c'est toujours pareil. Hein. Quand vous prenez les risques techniques derrière, vous les payez le temps de les comprendre et tout ça. Quand vous partez sur une voiture beaucoup plus saine, vous passez peut-être plus de temps à trouver comment bien exploiter votre moteur qu'à régler votre châssis et à le comprendre. Quoi. Par contre, effectivement, une fois que les grosses équipes ont mis au point correctement leur nouveauté châssis aéro, elles reprendront directement l'avantage. Pour l'instant, je pense que Racing Bulls en profite. Voilà. Ça n'a pas trop duré. C'est vrai que la Red Bull, ça a des problèmes de fiabilité, on y reviendra. Et la Racing Bull, c'est très conservatrice, en termes de, notamment sur la partie arrière. Hein, la Red Bull est très packagée, très fin, les pontons sont quasi inexistants. La Racing Bull, les pontons sont bien présents, il y a des entrées d'air qui sont assez grandes. La cheminée, elle est énorme. On le dit depuis la présentation. C'est pour le Père Noël, ça. C'est ça, ça permet de facilement rentrer. Et ça permet d'être bien aéré aussi, du coup. Et c'est vrai que la voiture... Alors, il y a eu quelques soucis sur la voiture de Lindblad ce week-end, mais au moins, les courses sont finies. Et ils accumulent aussi beaucoup d'expérience. Donc, non, c'est un très bon démarrage. Et Liam Lawson l'a dit très justement, c'est que par rapport à l'an dernier, parce qu'ils avaient déjà très bien débuté la saison l'an dernier, mais ils ne font pas d'erreurs stratégiques. Et ça, c'est vraiment la différence, que l'an dernier, ils avaient des voitures qui étaient 4e, 5e force du plateau, 5e, on va dire, sur les premières courses, et à chaque fois, ils faisaient une erreur stratégique sur les jusqu'au mois de mai, je crois. Et là, là ils engrangent, donc bravo à eux. Toi, je sais pas, Alex, ce que tu as pensé de ce week-end de Racing Bolt. Bah, un peu moins, si on parle des... Bon, vous l'avez dit, hein, sur les voitures, bah, les voir arriver tout simplement sur le classement, ils sont à égalité de points avec Red Bull. Sur les pilotes proprement dit, alors bah, le Sun était quand même plus en forme. Hein. Le Sun était plus rassurant qu'il ne l'a été à Melbourne. D'autant, je crois que Bortoleto ruine son tour de Q2. Donc voilà, plus prometteur de la part de Lawson, qui a eu quand même pas mal de chance. Il pensait être un peu malchanceux à cause du timing de la safety car dimanche, mais finalement, il a dit lui-même, hein, j'étais impressionné par le rythme de cette Racing Boost, quoi. Hein, donc c'était voilà, un bon week-end de Lawson. Hein. Sans erreur, c'est pas souvent le cas, on peut quand même le rappeler, mais je pense qu'il s'est rassuré après la petite claque que Lindblad lui a mise au précédent GP, il dit bah, c'était un deuxième Grand Prix plus compliqué pour lui, hein, plus compliqué pour lui. Alors je crois qu'il n'a pas été très chanceux parce que, alors quand même, si en SQ1, il nous met quand même une petite claque quand même parce que il avait fait, je crois que 5 ou 6 tours en FP1 et puis il arrive à être tout proche de Lindblad sur un circuit de Shanghai où il n'avait jamais couru, donc ça c'était très très fort. Mais ensuite la suite du week-end était plus compliquée pour lui. Avec donc ce demi-tour, cette erreur en sprint. La qualif, bon, il joue à touche-touche et la course plus compliquée, du point de vue du rythme, du point de vue aussi stratégique, puisqu'il fait partie des pilotes qui sont partis en dur, et donc forcément la safety car en début de course ne l'a pas arrangé. Mais bon, voilà, sa première vraie grosse erreur de rookie, bon là on peut dire que c'est un rookie quand même, en Chine, à Shanghai. Tu as le droit. Voilà. on te l'accorde. Un petit peu redescendu sur terre, même si évidemment hein, la deuxième course, ça reste tout à fait excusable et compréhensible. Mais voilà, donc, attention à pas trop s'enflammer trop vite sur une plane non plus. Je pense que Lawson a besoin d'autres week-ends comme ça pour se rassurer, lui aussi pour simplement aussi conserver sa place chez la meilleure équipe de la maison Red Bull, quoi. On nous demande Lawson a un avenir en F1. Bah, pour l'instant, oui, parce que derrière, c'est encore des jeunes pilotes pas très expérimentés. Mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre comment la saison se passe. Là, avec un week-end comme ça, s'il enchaîne comme ça jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas grand-chose à redire. S'il fait des week-ends comme Melbourne, ce sera un peu plus compliqué. Donc, on est encore tôt dans la saison pour. On sait que chez Red Bull, en fait, les décisions sont prises très tardivement. Donc, après, Seven nous dit Tsunoda n'aurait jamais fini la course au kamikaze. Franchement, Tsunoda, il n'a pas non plus été. C'était pas un Sato qui était un peu plus nerveux, on va dire. Je vais essayer de retrouver rapidement les statistiques, mais je crois que Tsunoda, il n'a pas abandonné tant de fois que ça. De mémoire. Je vais pas mettre un petit temps d'attente. 111 Grand Prix, 15 abandons, donc 13% d'abandon, dont 1, 2, 3, 4, 5, ouais bon, 5 abandons sur problème mécanique, donc c'est pas non plus catastrophique. Il y a eu des pilotes bien plus... Il a moins d'abandons dans toute sa carrière sur des sorties de piste que Yarno Trulli au premier tour dans sa carrière, par exemple. Donc il y a eu des pilotes... Donc c'est ça aussi, quand tu fais la moitié des grands prix d'histoire du championnat, t'en abandonnes un paquet, hein, forcément. J'exagère, mais il a fait plus du tiers quand même. Et McLaren. Pardon. Alors, est-ce qu'on compte abandon ou est-ce qu'on compte non participation? Bon, à ce niveau-là. Non, mais oui. Ça dit du mal de Yarno, bah, un petit peu quand même. Il a quand même le record malheureux du nombre d'abandons au premier tour. Donc... En tout cas, voilà. Donc non, Tsunoda, il était un peu en bout de course, mais après, faut pas non plus lui trouver des défauts qu'il n'avait pas. Helmut Marko aurait terminé la carrière de Lawson vu après Melbourne. Oui, bah déjà l'an dernier, il avait failli faire un peu ça, donc c'est vrai que ça aurait sûrement fini comme ça. Après, j'ai envie de dire Lawson, je suis pas certain. Oui, après, moi, je vois pas un champion du monde potentiel non plus en Lawson. Hein. Et puis bon, c'est, j'ai envie de dire aussi sa nationalité, elle l'aide pas non plus. Hein. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas forcément un grand territoire de sport automobile, c'est quand même vraiment à l'autre bout du monde. Y a littéralement, pas, ouais. Pas beaucoup de. Bah, ça, au bout du monde, non. Enfin, tout est au bout du monde de tout le monde. Hein. C'est... c'est... Mais on parle pour nous, la là. Terre est ronde, hein. Enfin, à part pour les platistes. La F1 est un championnat voilà. Européen. Enfin. Voilà, la Terre est ronde, à part pour les platistes. Je rappelle que. Mais bon, je rappellerai que Bruce McLaren n'est pas anglais, hein. Il est néo-zélandais. Oui. Oui, c'est vrai, mais bon, il est venu en Angleterre pour que ça marche. Donc. Voilà. Je vois pas un énorme soutien national ou autre. Non, c'est ça. Ça, donc, pas un élan national pour que Lawson soit c'est moins populaire que le rugby. Exactement, c'est déjà pas mal qu'il se distingue. En plus, il a une voiture blanche, alors du coup, ils doivent pas comprendre les Néo-Zélandais vu que c'est les All Blacks au rugby. C'est nous les All Blacks là, ce soir. C'est vrai, c'est vrai qu'on a avancé. Alex, il est tellement black qu'il est même fondu dans sa chaise. Je vais même pas savoir où sont ses épaules. Bon, c'est une blague très visuelle pour les gens qui nous écoutent. Mais... Ah oui, faut regarder. Faut aller voir la vidéo. Oh Alex, tu peux acquiescer quand même sur ce coup-là. Ah là là, terrible. Oui, c'est, y a comme, le... c'est comme le carbone de Cadillac, je ne sais pas où il est. C'est ça. Et oui, Wario Zero, il y a toujours le Kiwi de McLaren qui a été remis au goût du jour par Zach Brown. Et qui est maintenant sur l'activation du DRS, on ne peut plus l'appeler comme ça, mais voilà. Et Manu, qu'est-ce que tu en penses qu'on offrirait à Alex la même chaise que nous? pour qu'on soit tous avec les mêmes. On soit tous raccords, on soit tous. Bon, on essaie de trouver des sponsors à ce niveau-là après, parce que bon. tant qu'à faire. bon, du coup, voilà, donc, on finit les top teams avec Racing Bulls, on va passer aux équipes de seconde zone avec Red Bull. Oh, ça va, on s'amuse. Et aux pilotes de seconde zone. Oh, ce sont des propos qui t'appartiennent. Moi, j'ai dit assez de mal sur Verstappen dans ma carrière sur Next Gen, je vais pas en rajouter. Si, d'ailleurs, j'en rajoutais quand même un peu. Mais bon, bah, Adjar termine 8e, Verstappen abandonne, donc ça fait un abandon chacun en deux courses pour les deux pilotes. L'équipe est 5e au championnat. Un week-end très compliqué qui sont démarrés. Première qualif du week-end à plus de 2 secondes de la pole. La performance n'était pas là, la fiabilité n'était pas trop au rendez-vous. Tout le monde tirait la gueule. C'était un super week-end de la part de Red Bull. Les pilotes ont été, pour diverses raisons, parce qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qui ne va pas, mais pour diverses raisons, ils étaient tous les deux un peu irritables. Et voilà, c'était un week-end compliqué, Franck, hein, quand même, du côté de. Ouais, c'était très compliqué, autant du côté piste que du côté hors piste, on va dire. Mais voilà, Max Verstappen qui ne sait toujours pas prendre un départ sur la F1 de 2026. Je suis désolé, là, je suis obligé de tacler parce que c'est. Il en parle lui-même, il dit ouais, j'ai zéro batterie, j'ai pas de batterie. Voilà. Je veux dire, les autres arrivent à prendre un départ. Adjar le fait, les deux Racing Bulls y arrivent. Lui, il n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui lui arrive. Pourquoi lui. Et en plus, il dit j'ai pas de batterie au départ. Mais de toute façon, au départ, il n'y a pas de batterie. Ouais. Sur les 50 premiers km/h, il n'y a pas de batterie. Non. C'est la batterie n'intervient qu'au bout de 50 km/h. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait pendant ses tours de formation. Je ne sais pas comment il n'arrive pas peut-être à monter son turbo en régime, mais ce n'est pas normal. Il a le droit de s'entraîner comme les autres. Je ne comprends pas il a été extrêmement négatif sur tout le monde, sur la F1, mais aussi sur indirectement sur sa voiture. Terrible, un désastre, une catastrophe. Je veux dire, tout y est passé ce week-end avec Verstappen. C'était, il était exécrable, clairement. Je pense que là, il n'y a pas d'autre mot. Là, pour le coup, je ne vais pas le soutenir du tout parce qu'il n'a pas du tout été constructif sur quoi que ce soit. Donc, autant pour son équipe que sur la Formule 1. Donc, on va commencer par parler de son équipe, évidemment. On parlera de ce qu'il a dit sur la Formule 1 après. J'ai trouvé extrêmement négatif. Je comprends pas parce que c'est pas forcément l'étude qu'il avait sur la première course où il admettait comprendre que ça prendrait du temps et tout. Alors certes, il se retrouve à 2 secondes sur le vendredi, c'est, je pense qu'il y a un bon petit coup de massue là qui arrive. L'écart se réduit énormément sur le deuxième jour, mais on l'a dit tout à l'heure parce que le temps de la pole n'a pas du tout progressé par rapport à la veille, c'était même le contraire. Donc en fait, les temps des Red Bull n'ont pas bougé alors que les autres ont régressé. Donc pour eux, du coup, ça doit être un progrès s'il y a eu quoi que ce soit. Mais voilà, mais tout était pas bon en fait. Et il pointe vraiment, lui, le fait que pour faire fonctionner ce moteur et la recharge d'énergie, c'est qu'elle met en grand déséquilibre, il met en grand déséquilibre le châssis dans les virages. La voiture passe déjà moins vite que la Mercedes et la Ferrari dans les courbes. Et pour réussir à bien recharger le Red Bull Ford, il faut effectivement passer un rapport de plus. Il faut mettre peut-être plus la voiture en appui, être plus à la limite pour essayer vraiment de passer à une vitesse maximum. Parce que la voiture va moins vite en virage, donc ils vont essayer de maximiser. Donc la voiture est vraiment à la corde, à la limite de l'adhérence. Ça la rend hyper nerveuse. Et forcément, au bout d'un moment, vous faites des erreurs. Ça oui, c'est compréhensible, mais je veux dire, effectivement, il ne faut pas essayer de la surpiloter non plus. Non. Donc là, pour l'instant, je crois qu'il y a une question de surpilotage de la part de Verstappen qui, du coup, ne peut pas fonctionner avec CF1. Là où il était hyper bon sur la F1 de la génération précédente, où il était hyper agressif, où ça fonctionnait énormément sur les Formule 1 effet de sol, ça peut plus marcher sur CF1. Ou CF1 qui sont quand même beaucoup plus mobiles, alors que c'est lui le premier qui adore les trains arrière qui bougent beaucoup. Mmh. C'est ce qu'il disait. Donc, là, pour le coup, il doit être servi parce que c'est vraiment ça. Mais là, ça bouge trop. Et donc, il est pas content du tout. Et tout est négatif. Tout y est passé. Donc, pas constructif du tout. Et à côté de ça, vous avez Hadjar à qui on dit vous êtes content de n'être qu'à 1 ou 2 dixièmes de Verstappen. Oui, évidemment, mais bon, il ne pouvait pas non plus trop s'en vanter non plus, parce que Verstappen à côté, il était vraiment. Je ne sais pas s'il était ou démotivé ou pas là, je ne pense pas. Je pense qu'il a donné le maximum de ce qu'il pouvait, mais il n'a pas trouvé les clés du pilotage. Et c'est pour ça, après, derrière, qu'il a aussi sorti tout son laïus sur la F1 ouais. 2026, mais ça, on reviendra peut-être. On reviendra après. Ouais. Moi, je voulais dire, sur Verstappen, au-delà de la mauvaise foi et la mauvaise volonté qu'il met à. Qui semble mettre en tout cas, parce qu'il dit que la semaine dernière il disait on nous mettrait entre les mains un caddie de course, je piloterais autant, mais en fait on voit que là déjà qu'il y a une F1 qui lui plaît pas, il est beaucoup moins, après j'imagine qu'il donne tout ce qu'il a quand il est en piste, mais le fait est qu'il n'arrive pas à se mettre au départ, il n'arrive pas à faire des choses, enfin il y a plein de choses qui sont quand même normalement primordiales pour un pilote et qui doivent être validées au bout de 3 courses, enfin au bout de 3 départs en tout cas, et surtout avec le nombre de départs qu'il fait en entraînement et que lui n'a pas validé. Et très honnêtement, je suis un peu. Je suis pas sûr que cette saison va le faire sortir grandi. Spécialement sur ces fameuses capacités de leader qu'on vante depuis des années chez Red Bull en disant que Verstappen c'est un moteur, etc. Je suis pas sûr que les ingénieurs à Milton Keynes à l'heure actuelle soient vraiment en train de penser que Verstappen est un moteur quand on voit toute la merde qu'ils racontent sur leur voiture. Alors certes, ils l'ont raté. Hein. Bubble Boy a donné un lien, un lien, dans le chat sur lequel des fans chinois ont apparemment vu que la Red Bull pèse 15 à 20 kilos de plus que les McLaren et Ferrari. Donc oui, il y a plein de problèmes. L'aéro est pas bonne. Il y a plein de choses à régler. Elle exploite pas très bien le moteur. Elle est pas fiable. Elle est mal packagée parce que manifestement la voiture subit un peu des problèmes moteurs. On a vu des pilotes avoir les mêmes problèmes. Je pense à Hamilton en 2022. Je pense à Leclerc en 2023 ou Leclerc en 2020. Et c'est des pilotes qui à chaque fois disaient on passe une mauvaise période, il faut que l'équipe se remobilise, mais on va y arriver, on garde la tête baissée, on perd en équipe, etc. Et Verstappen, quand il gagne pas en équipe. Et quand il perd pas en équipe. C'est-à-dire que quand il gagne, c'est lui. Quand il perd, c'est l'équipe. Et je pense que c'est le pire comportement possible pour un pilote de Formule 1. Puisqu'en fait lui pense qu'il fait un sport individuel quand les 1200 autres personnes de Red Bull pensent qu'elles font un sport collectif et ça ne marchera pas, ça a ses limites, c'est à dire que quand tout fonctionne et quand on gagne 21 courses par an dont 19 avec le même pilote, forcément tout le monde est content et les ingénieurs se disent puisqu'il a gagné 19 courses, la voiture est bonne, il nous remercie régulièrement, donc c'est bien. Mais quand on en est à un point où au bout de 2 courses il jette tout le monde sous le bus en disant que de toute façon la voiture est nulle et tout ça, et qu'après en plus on y reviendra, il s'attaque au sport dans des termes très violents, pour moi c'est pas le comportement d'un champion, et on dira ce qu'on veut, et je le dis depuis le début, on calculera la place de Verstappen dans l'histoire à la fin de sa carrière, et s'il termine par 1 ou 2 saisons dans ce genre-là, en tout cas comme il l'a commencé là, avec une mauvaise foi, avec des performances qui sont pas idéales, si Hadjar prend sa mesure, etc., Et ben l'image du mec qui détruit ses équipiers depuis le début et qui écrase tout le monde et qui de toute façon gagnerait dans une AS, etc., elle en prend un sacré coup. Et moi je suis alors je dirais que je suis très déçu, j'ai jamais porté le pilote Verstappen dans mon cœur, mais non mais oui, il a dit qu'ils vont travailler pour revenir fort au Japon, d'accord, mais il a dit on va travailler, mais enfin quand tu dis ça après avoir démoli ta voiture et tout, c'est quand même très compliqué de faire comprendre que c'est tout va, de dire que toi aussi tu vas travailler alors qu'il a ses torts. Et ouais, je pense que on a passé des années à voir des gens dire que Hamilton était fini, etc. et tout. Et en fait, on voit bien qu'une carrière, ça tient à pas grand chose. Vettel, c'était la même chose. Hein. Vettel domine pendant 4 saisons la concurrence entre 2000 et 2013. 2014, il se fait écraser par Ricciardo. Et Verstappen ne pourrait, si les choses continuent comme ça, faire rapidement pas le figure. En tout cas, par rapport à l'image qu'il avait ces 5 dernières années. Et c'est dommage, parce que malgré tout, il a un palmarès qui est énorme. Et il a eu des saisons monstrueuses. Mais il n'est déjà pas la machine qu'on pensait que certains pensaient qu'il était, hein, ça c'est évident. Et de toute évidence, là, il est dans une dynamique mentale et de pilotage qui me semble pas encore alarmante, mais en tout cas très négative. Oui. Ouais. Bon, ça fait 2 courses, hein. Ça fait 2 courses, donc on ne peut pas tirer des conclusions définitives, mais on a quand même le sentiment que au niveau du règlement, au niveau du style de pilotage, ça ne lui convient pas, ça joue moins sur ses forces. Et c'est très impressionnant de voir Adjar, je rappelle l'écart en qualif, hein, 128 millièmes de retard seulement sur Verstappen. C'est quand même pour l'instant énorme ce que fait Adjar. On n'avait pas vu ça depuis Ricciardo, depuis les belles années de Ricciardo. Donc ça, c'est, ouais, c'est tout au mérite de Adjar. C'est peut-être aussi Adjar qui est excellent, hein, plus que Verstappen qui s'effondre un peu. Mais je pense effectivement que le style du pilotage lui convient moins. Donc, après, sur les performances pures, bon, avec 2 courses, moi, je pense que j'attends de voir quand même encore un peu au niveau du leadership. Là, en revanche, je suis totalement d'accord. On n'est pas du tout surpris de voir un Verstappen qui ne joue pas le rôle de leader tel qu'on a pu le voir par le passé chez Hamilton. Lorsque Mercedes mangeait un peu son pain noir, on se rappelle que, voilà, en 2022, il avait fait beaucoup de réglages, beaucoup d'expérimentations. Ouais. Pour changer de réglage, il sacrifiait un peu ses propres résultats. Donc ça, c'est, alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps positif non plus Hamilton, hein. on ne va pas non plus peindre de toute manière lumineuse, hein. Hamilton, quand il veut être négatif, il peut l'être très très bien aussi, hein. Mais Verstappen, c'est pas du tout constructif. Là encore, on ne sait pas tout ce qui se passe en coulisses, mais moi je trouve décevant pour le moment ce qui se passe. Il y a aucun enthousiasme, il y a aucun discours positif, c'est beaucoup trop négatif. Et en plus, ça s'ajoute à des mauvaises performances. Voilà. Là non plus, hein, bon, j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais Vettel en 2014, où il prend quand même la désillusion un peu totale, j'ai pas le souvenir d'un discours aussi négatif. Non, non, non. Il était négatif, mais dans le global, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'y arrivait pas et que ça marchait pas, mais il disait pas l'équipe. Parce qu'en plus, et ça pourrait arriver si Red Bull progresse. Cette année-là, Ricciardo gagne 3 courses, donc Vettel savait bien que le problème, c'était lui, tu vois. Donc. Ouais. Non, et puis le problème, c'est que, bon, peut-être du coup aborder l'aspect réglementaire des choses. C'est que là, pour le coup, autant tout le monde était à peu près d'accord pour critiquer pas mal d'aspects de la Formule 1 2026 après Melbourne, autant oui. En Chine on a vu autre chose, autant tout le monde a dit oui, on sait qu'il y a des lacunes sur le côté tour qualif et tout ça, ouais. On va étudier comment faire, apporter des solutions, on va en discuter, il y a encore une réunion qui va être prévue cette semaine, même s'il a été décidé de rien changer pour le Japon, parce qu'on va encore étudier tout ça. Tout le monde a dit qu'il y allait avoir des ajustements, que ça réfléchissait, mais Verstappen, lui, il n'a pas cessé d'enfoncer le clou, comme quoi c'était une F1 à la Mario Kart, que ça n'allait pas du tout, que si les fans qui aimaient ça, c'est qu'ils comprenaient rien à la course automobile. Celle-là, elle est raide. Voilà, ça c'est quand même extrêmement violent, je trouve, que c'était artificiel. Alors, il s'est pris une volée de bois vert de la part de tout le monde dans le paddock cette fois-ci. Autant je commencer par Adjar d'ailleurs. Par Adjar lui-même, ouais, qui était absolument pas d'accord avec lui. Toto Wolff aussi, qui l'a carrément contredit aussi, qui lui a dit mais qu'il va regarder la course, il va se rendre compte qu'effectivement c'était voilà. Comme il a dit, comme Wolff l'a dit, c'est quand on a une mauvaise voiture, forcément, du coup, on est aussi dans une spirale infernale côté mental. Qui fait que forcément, voilà, c'est exactement comme ça qu'on peut le décrire. Je dirais seul. Ah, je suis pas sûr d'avoir compris. Moi, j'ai pris le seum, moi. Voilà. Il a le seum, voilà, c'est bien ça. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Mais voilà, c'est. Et qui ne l'a pas d'ailleurs. Tout le monde lui est tombé dessus. Même Jonathan Mittler, son ancien directeur sportif, qui le comprend mieux que quiconque, qui est maintenant directeur de Audi, a dit qu'il ne comprenait pas non plus les propos de Verstappen. En plus, Verstappen lui-même, il a dit qu'il est en discussion avec la F1 et la FIA pour voir comment améliorer les choses. Mais pourquoi tu continues à casser ton sport, pourquoi tu continues à casser du sucre alors que tu es en début d'un règlement, que tu sais très bien qu'il y a des ajustements qui sont possibles? On en avait parlé d'ailleurs, j'étais même un des premiers le dimanche soir de Melbourne de parler des 3-4 pistes d'ajustement réglementaire qui allaient sortir. Et ça a été confirmé le lendemain, on a fait l'article et tout, on les en avait donné en avant-première pendant le live, bon, notamment la possibilité effectivement de mettre plus de thermique, peut-être réduire effectivement la récupération d'énergie pour que effectivement ça soit plus la variable d'ajustement d'une performance sur un tour qualif. Mais en course, je suis désolé, maintenant on a une formule qui, je pense, peut-être ajustée selon les circuits, mais qui fonctionne très bien. Et ça aussi, et on avait dit que ce serait mieux en Chine. Hein. Voilà, et on l'avait dit que c'était mieux en Chine, et ça l'a été. Ouais. Et Verstappen, lui, par contre, il est verrouillé dans son discours à la Mario Kart. Il est même tellement verrouillé dans son discours qu'il a réussi à se mettre à dos, je sais pas si vous avez lu le dernier article sur Nigel Auto, il a réussi à se mettre à dos quand même deux plus gros défenseurs de la Formule 1 traditionnelle pure, qui sont Montoya et Villeneuve. Montoya qui a dit quand même, quand on se met à critiquer son sport, à le comparer à Mario Kart et tout, à manquer de respect à son sport, si vous êtes aux États-Unis, vous prenez la porte. Ah ouais. Et clairement, je suis pas loin de penser à la même chose. S'il est pas content, qu'il aille voir ailleurs. Alors qu'il sait, je dirais pas qu'il aurait tort de le dire si effectivement personne n'avait conscience des problèmes à résoudre. Le problème c'est que il ne veut pas admettre que ça peut prendre du temps à résoudre. C'était entendable à Melbourne. Voilà. Et Villeneuve, pareil. Villeneuve, bon, je le voyais pas non plus critiquer Max, mais tout ce que tout le monde a toujours voulu en Formule 1, c'était du spectacle, que les pilotes puissent se dépasser, qu'on redonne une arme aux pilotes pour se dépasser, c'est ce qu'on donne, et il aime pas ça non plus, alors que c'est le premier à faire du simulateur, des choses un peu numériques, le push to pass en IndyCar, ça fait des années que ça existe, il a jamais critiqué l'IndyCar parce qu'il y a un push to pass, il me semble. Donc j'ai envie de dire. Et en plus, il en a très bien profité pour faire ses remontées, parce qu'à chaque fois qu'il est reparti dernier ou qu'il se loupait sur le départ, ce genre de stratégie à l'énergie, il sait plutôt bien les maîtriser en course quand même, parce que je vois qu'il arrive à remonter quand même un petit peu des places. Donc j'ai envie de dire, moi j'ai envie de mettre le gros carton rouge de la soirée à Verstappen pour son double discours négatif, autant envers son équipe, même s'il y a des petites phrases, mais oui, évidemment, on va travailler, on va monter, ça va aller mieux, tout ça, parce qu'il faut bien en lâcher une ou deux. Voilà, mais surtout par rapport au sport où il s'est beaucoup trop lâché, sachant que tout le monde a dit on va faire le point après deux grands prix ou trois grands prix, on va voir ce qu'on peut modifier. On est conscient qu'il y a des soucis, et ça, c'est pas normal d'enterrer son sport alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Voilà. Exactement, et moi j'ai trois petites choses à noter. La première, c'est que les gens disent j'ai lu des gens qui disaient oui, Verstappen est le seul à l'ouvrir, c'est le seul qui comprend ce que doit être la course automobile. Les autres osent pas critiquer. Alors, déjà, faut retourner au débriefing de Melbourne parce qu'il y avait une quinzaine de pilotes qui étaient pas contents. Et ils l'ont tous dit. Deuxième chose, en 2022, quand Lewis Hamilton disait « cette réglementation est nulle », un certain de ses adversaires, nommé Max Verstappen, lui a dit « si t'aimes pas ta voiture, en gros, n'en dégoûte pas les autres du règlement, et si la voiture est mauvaise, c'est pas assez dommage, mais faut pas dire que le règlement est mauvais parce que ta voiture est mauvaise ». Bon, là, du coup, ça se retourne contre lui. Et troisième chose, quand je lis des commentaires, alors il y a notamment Verstappen qui parle que tout est artificiel et tout, et j'ai lu des journalistes de Formule 1, notamment britanniques, dire « hier, en tout cas, il y avait une course d'IndyCar qui était particulièrement nulle. Et se pavaner devant en disant oh, voilà, ça c'est des vrais dépassements et tout ça. Et littéralement, on nous a pondu des vidéos où on disait ça c'est un vrai dépassement. Et en fait, c'est des dépassements qui se faisaient au push-to-pass. Donc, au bout d'un moment, il va falloir un peu que tout le monde se remette les idées en place. Oui, la Formule 1 a des choses à revoir sur sa réglementation. Non, c'est pas parfait. Mais un, on n'est qu'à la deuxième course. Et deux, il faut pas sortir des arguments qui n'existent pas. Et en fait, les mêmes personnes qui l'an dernier, les années d'avant, disaient on peut pas dépasser, c'est trop, il y a pas d'action en piste parce que c'est trop serré machin. On disait oui, les écarts sont tellement serrés qu'il y a pas d'action. Cette année, c'est ouais, il y a trop d'écarts et on peut pas, c'est trop artificiel. Et je vois bien parce que j'ai pas mal débattu avec des gens, et quand tu arrives à leur faire comprendre que c'est pas artificiel, c'est juste des nouvelles armes pour dépasser, et ça passe sur oui, mais il y a des écarts. Oui, ça, c'est le cas, mais c'est un autre problème, et c'est juste lié au fait que c'est une nouvelle réglementation. Mais, donc, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut que les gens arrivent à au moins être objectifs. en fait. En plus, je suis sûr que tout le monde s'est éclaté sur ce Grand Prix à regarder les passes d'armes. Voilà. Ah, après, oui. Apparemment, il y a des gens qui disent que eux, pour eux, ils ont toujours l'arrière-goût que c'est pas naturel, machin. Bon, bah pourquoi pas. Que tu veuilles encore laisser quelques courses avant d'apprécier ou non. Le DRS, c'est naturel pour vous ? Mais c'est ça le problème. On a des équipes qui n'ont pas le même nombre d'employés, pas les mêmes machines. Est-ce que ça, c'est pas un peu artificiel aussi ? Et les années de domination de Schumacher, il y avait l'anti-patinage sur les F1. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien, hein, mais il faut arrêter de penser qu'avant, c'était mieux. Non, avant, c'était pas mieux. Je veux dire. On voit beaucoup d'images ressortir les tours de Cali de 2004. Ouais, 2003. Putain, il y avait l'anti-patinage sur les bagnoles, quoi, et de traction control dans tous les sens et tout. Il faut aller regarder les courses en 2002, en 2004. Hein, bon courage. Ah putain. Oh, les purges. Et je dis pas ça parce que Ferrari gagnait. Un peu quand même. Mais non, mais voilà. Et c'est vrai que, voilà, en 93, il y avait une voiture avec les suspensions actives, 12-13, qui écrase la saison. On dit pas, le dernier titre de Prost, c'est de la merde. On dit, Prost, il est revenu, il a été champion du monde. Et pourtant, c'était artificiel parce qu'il y avait une voiture qui avait les suspensions actives et pas les autres. Au bout d'un moment, dans 20 ans, quand on fera le bilan de cette saison, tout le monde aura oublié pourquoi tel grand pilote a gagné tel grand prix. Personne se dira, oh là là, Russell, il a de la chance, il avait plus de déploiement d'énergie, c'est pour ça qu'il a gagné. Non, il a gagné parce qu'il a été meilleur, il a mieux compris le règlement. En fait, la F1 a toujours été un sport d'interprétation de règlement. Ça passe par le pilotage, l'intelligence, la stratégie, l'exploitation, et évidemment la mécanique, la technique, l'ingénierie. Ça a toujours été comme ça. Et là, on nous pose une formule qui est complète, c'est-à-dire qu'il faut une bonne ingénierie de production et de conception, une bonne ingénierie d'exploitation, ouais, des stratégies, qui sont stratégies pneumatiques et énergie, et il faut un pilote qui soit non seulement doué au volant et intelligent en course. Je veux dire, la F1 n'a jamais été aussi complète. Maintenant, il y a des problèmes, mais ils vont être résolus. Mais je pose aussi, il n'y a pas que le règlement, je pose aussi une question, c'est si Ferrari n'était pas aussi proche de Mercedes, au moins sur le début de course, est-ce qu'on tiendrait le même discours ? Je pense que la F1 peut remercier quand même Ferrari d'être au niveau en ce début de saison. Sinon, bien sûr. Il n'y a pas que le règlement, hein, il y a les performances entre les équipes. Donc je pense que c'est un tout. Mais 2014, c'était pareil. Et finalement, on n'en a quand même pas. C'est Rosberg qui est dans le rôle de Ferrari. Oui, mais voilà. Mais bon, je veux dire, en 2014, pendant que la saison se déroulait, tout le monde disait oh, c'est horrible, il n'y a qu'une équipe qui domine, machin. Avec le recul, on se dit c'était bien, il y avait quand même de la baston. Et là, je suis désolé de voir les équipes se bastonner. Alors, mais Ferrari finit par céder pour l'instant parce qu'ils ont moins de cartes à jouer sur toute la course. Et puis finalement, ils sont trop occupés à se bastonner l'un et l'autre. Mais c'est beaucoup plus facile. Ouais. Je veux dire, on a quand même des courses où au bout de 15 tours, tu as les 4 premiers qui se tiennent en 1 seconde et demie ou 2 secondes. Et bah putain, profitons-en, c'est plaisant. Je veux dire, est-ce que les gens préféraient vraiment 2019 quand, à la mi-course, le 7ème était à un tour ? Moi, je suis pas sûr. Voilà, vraiment, si vous préférez ça, c'est-à-dire que Verstappen, vous y comprenez rien, mais. C'est toujours plus facile de tenir un discours à la fois nostalgique sur le passé parce qu'on se souvient des meilleurs moments, et ensuite, c'est beaucoup plus facile d'être négatif. C'est pareil, moi aussi, je vois beaucoup. C'est un éternel recommencement, de toute façon. Chaque fois, à chaque changement de règlement, c'est pareil. C'est un éternel recommencement. C'est ça. C'est pareil, je vois beaucoup de gens un peu ternir le bilan de Liberty Media, c'est artificiel, etc. Les Américains, machin, mais ils ont fait un bien fou à la Formule 1 qui n'a jamais été aussi attractive. Les tribunes sont remplies. La F1 se rajeunit, la F1 se féminise, la F1 se développe géographiquement. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'être négatif. Et je ne sais pas ce que veulent les gens qui critiquent à fond Liberty Media. Peut-être qu'ils préféraient le temps de Bernie Eccleston où la F1 était un sport confidentiel. Enfin, beaucoup plus c'est confidentiel, ça, ouais. Avec des équipes très resserrées, des courses un peu pénibles et une course aux armements financiers qui, là, pour le coup, pour moi, rendait beaucoup plus artificielle la compétition. Vas-y. Non, je préfère. je préfère à 1000% une F1 avec une gestion de batterie où les pilotes choisissent quand le faire qu'une F1 où on dépasse avec juste du DRS, on appuie juste sur un bouton mécaniquement parce qu'on est à moins d'une seconde de notre pilote. Et en plus, c'est même pas garanti. Et quand ça marche, c'est purement artificiel. Là, c'est les pilotes qui gèrent. Alors, je suis d'accord, pour revenir sur le débat, que sur les qualifications, il faut qu'on fasse en sorte que les pilotes puissent aller à fond sur les tours qualifs, donc c'est-à-dire réduire la batterie. Je m'en fous, moi, que les tours de la pole soient à 5 secondes de ceux de l'an dernier, si ça permet effectivement de ne plus avoir de lift and coast ou de recharge de batterie en super clipping, voilà, ou que tout le monde ait le même mode super clipping, du coup, ça fasse pas de différence entre les pilotes. Ça, je m'en fous, moi, qu'on soit à 5 secondes des tours. Voilà. Si le dimanche, je me barre devant un Grand Prix, parce que les dépassements, c'est juste des pilotes qui les gèrent au mieux avec les mêmes armes, quoi. Et je rappelle, je trouve ça génial. Tu te rappelles que l'an dernier, on se plaignait parce que la F1 était devenue un sport de qualif. Voilà. On disait, putain, une fois l'attractivité, personne ne va dire, ah, c'était une super saison parce que les qualifs étaient. Bah non, c'est ça, on s'en fout. Et on disait, oh, putain, c'est dommage que finalement, samedi soir, on a un peu l'impression que le week-end est terminé. Parce qu'on avait, on n'a jamais eu autant de poleman qui gagnait la course. Je fais une petite parenthèse pour remercier MH Levray qui s'est abonné avec Prime ainsi que Pic 1 qui s'est abonné avec Prime également. Donc vous pouvez profiter de votre abonnement Prime pour vous abonner à la chaîne si vous voulez nous soutenir évidemment. Merci à Thomas, c'est un ami. J'ai cru comprendre avec son message de bienvenue. Donc bienvenue à vous si vous nous découvrez. Bienvenue aussi à Orwell 5530 qui poste son premier message en disant la question que, de fond qu'a soulevé Verstappen, c'est l'évolution du moteur vers l'électrification. On en est à 50%. La logique, si on continue vers là, c'est que la F1 devienne la Formule E. Non, pour une simple raison, c'est que la Formule E a l'exclusivité de l'exploitation de moteurs électriques en compétition FIA jusqu'en fin des années 2030, je crois. Donc, pas de panique. La F1 restera hybride pendant encore très longtemps. On va développer une électrification avec des carburants de synthèse probablement de plus en plus performants. On va développer des choses qui vont être différentes. Mais la F1 ne deviendra pas une Formule E. Elle n'a pas la vocation à devenir. Et je trouve que les gens qui les comparent actuellement n'ont sûrement pas regardé la Formule E depuis un moment, parce qu'une course de Formule E ne se passe pas du tout comme une course de Formule 1. Et le sport n'est pas du tout le même. Et voilà. Après, au demeurant, la Formule E est un excellent laboratoire technique. Vous pouvez oublier que là, ils commencent à faire des trucs avec des recharges à 650 kW de puissance, ce qui est colossal pour ceux qui courent un petit peu. Oui. J'avais une autre question à répondre dans le chat. Une autre phrase, c'était Datebain qui disait... Oui, mais pour Max, c'est inconcevable de ne pas pouvoir attaquer à chaque virage à la limite. Mais à part en qualif, ils n'ont jamais fait ça. Parce qu'on est en moteur hybride et que l'an dernier, Lift & Co, ça existait déjà énormément. Donc Max n'a jamais attaqué à 100%. Max n'a pas connu une F1 autre qu'hybride. Donc il n'a jamais connu l'attaque totale, je dirais. Et son gestion de Pirelli aussi, faut pas oublier. Aussi. Et puis même à l'époque du non-hybride, les pilotes géraient. Oui, ils géraient même la fiabilité, c'est ce qu'il rappelait. C'est à l'époque qu'il fallait aussi gérer la fiabilité. Ouais. Vous ne pouvez pas attaquer tout le temps non plus. Bah, bien sûr. Et il gérait aussi les pneus, parce qu'on se rappelle qu'il y avait à l'époque où même les Michelin faisaient une course complète, les pneus étaient obligés de faire une course complète, il fallait gérer leur dégradation. Hein, donc en voilà, course, il y a tout, il fallait gérer. En course. Pour moi, la course n'est pas un problème. La course n'est même plus un problème, et je suis même ravi. J'ai envie de dire que ça y est, on a peut-être enfin trouvé la formule magique pour qu'on ait une course sympa. Alors, parce qu'on sait que les voitures vont gagner beaucoup d'appui, tout va être plus compliqué l'an prochain quand même. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop d'illusions. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire que ce règlement, pour le moment, est hyper plaisant. On se souvient, en 2022, c'était aussi beaucoup plus facile de suivre, et en 2025, c'était très pénible. Et c'est la pente naturelle. C'est logique. Et moi, j'ai quand même un souci parce que ces F1 sont trop rapides. Hein. Elles sont déjà très rapides. Je suis assez d'accord. Et pour ceux qui diraient le contraire, parce qu'ils ont vu certains youtubeurs en parler, non, le dirty air ne disparaît pas quand une nouvelle réglementation arrive. C'est juste que les règlements sont conçus pour qu'il y en ait moins. Mais voilà, c'est naturellement que les ingénieurs vont retourner vers des F1 avec plus d'appui, donc plus de traînée, donc plus de dirty air. Et tant mieux que cette F1 soit déjà très rapide. Ça va nous permettre justement de réduire la puissance électrique déployée sur les circuits où ça pose problème pour que les pilotes ne puissent pas attaquer à fond en qualif. Exactement. Voilà, mais je suis sûr qu'on va trouver un équilibre en quelques courses. On va faire Miami qui va être un peu compliqué, Suzuka qui va être un peu compliqué. Et je suis sûr que d'ici à la fin de l'année, on aura déjà beaucoup plus de visibilité sur la manière dont fonctionnent ces moteurs. Attention aussi à la sécurité, parce qu'on a vu aussi, on n'en a pas parlé, mais de Sainz, qui est aussi un des pilotes les plus critiques. Alors, Russell va encore dire que c'est parce qu'il n'a pas une bonne voiture, mais Sainz fait beaucoup de critiques, lui, sur la sécurité, notamment sur les départs. On rappelle qu'à Melbourne, on a quand même évité un énorme colapito, a évité un énorme crash sur le sol. Donc, c'est aussi une polémique qui pourrait venir au premier gros accident. Hein. Moi, je le vois déjà venir. Hein. Polémique que Hamilton a balayée. Il a dit, c'est quand même bien qu'on n'ait pas des départs uniformisés quand même tout le temps. À tout le monde de faire attention, quoi. Bon, c'est sûr que c'est quand même plus facile quand on part devant qu'on part derrière, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais pour conclure le débat sur l'attaque, Bubble Boy dit il n'y a que les F1 avec ravitaillement, ils étaient à 100% comme 2004. Il faut oublier qu'en 2004, on est subjugué parce que Schumacher fait une course à l'attaque à Manicourt et où il fait 4 arrêts. Sinon, le reste du temps, c'était de la gestion. Frenzel en avait fait beaucoup parler sur Twitter, parce qu'il en parle beaucoup. Il disait que lui, par exemple, sa grande force, parce que Jordan à l'époque avait une consommation plus élevée, et Frenzel était un des meilleurs pour gérer sa course et s'arrêter qu'une seule fois. Mais il fallait qu'il gère et qu'il fasse des temps mauvais, donc tout le monde disait oh, il n'est pas très rapide en course. En fait, c'est juste qu'il était en gestion. Et la gestion a toujours fait partie de la course de Formule 1. C'est pas nouveau, mais même dans les années 70-80, il y avait déjà des éléments de gestion, que ce soit les pneus, la fiabilité, la dangerosité, parce qu'il y a des pilotes qui avaient plus de mal aussi à prendre les risques partout. Et voilà, et c'est comme ça. Donc, sinon, il faut mettre 250 kg de carburant et mettre des pneus en bois. Et puis, allez-y. Ouais. Et non, Xoans, on ne parlait pas de sécurité à l'époque où les Renault prenaient les meilleurs départs. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que là, après, il y a des problèmes, mais à ce niveau-là, si on parle du danger au départ, penchons-nous sur la Formule 2, qui, depuis 8 ans, a des voitures qui calent de manière totalement intempestive au départ. Mmh. Et que personne ne fait rien parce que, sous prétexte que non, il n'y a pas de souci. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas trouver des problèmes où il n'y en a pas. Oui, le départ, c'est problématique s'il y a des voitures qui calent à chaque fois, mais on a déjà vu que ça s'est quand même mieux passé. Il y a des voitures qui sont lentes, mais c'est pas ce qui s'est passé chez Lawson et que la Pinto a évité à Melbourne. C'était vraiment un problème spécifique. C'était pas une généralité due au règlement. Donc voilà, moi je pense. Il y aura une polémique au premier crash, il y aura une polémique, hein, ça tu peux être sûr. Ah bah mais évidemment. Il y a déjà eu des crashs au départ en F2, tout à fait, le Loradar, c'était pour cher effectivement avec Enzo Fittipaldi, et c'était à Jeddah, je crois, en 2021, de mémoire. Oh là là, quelle mémoire. Et Fittipaldi avait fini à l'hosto avec une cheville cassée d'ailleurs, mais voilà. La course Verstappen et celle de Hadjar, vous en pensez quoi? Oui, on va revenir un petit peu sur le sportif, mais après, bah. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, hein, mais effectivement, la voiture est vraiment pas au rendez-vous. Si on revient à Hadjar, il a eu des premiers tours compliqués. Hein, au sprint, c'était pas de sa faute, et en course, c'était. C'était pas non plus trop de sa faute, j'ai l'impression, parce que la Red Bull est partie très très vite, mais c'est dommage parce qu'il avait un très bon rythme. Tout à fait. Oui. Après, il a été chonchon tout le week-end quand même. On l'a vu renvoyer chez Laurent Dupin dès jeudi. Il était. Antonelli. Il a refusé des excuses d'Antonelli qu'il avait accroché lors du sprint. Je trouve qu'il se verstappenise un peu dans le comportement et je suis pas sûr que ce soit pour le meilleur. Mais après, bon, c'est qu'un week-end. Il était très bien à Melbourne, donc on va pas généraliser. Mais j'ai trouvé un peu ronchon et c'était un peu dommage. Je trouve qu'il est plus sympa quand il est un peu plus. Je pense. Oui, évidemment. Là, l'ambiance doit pas être très bonne dans le team. Hein. Non, c'est sûr. Après, le truc, c'est que le biais que les gens peuvent avoir à l'extérieur, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire passer pour un caractère fort ce qu'on disait que Tsunoda était un manque de contrôle de sa personnalité, alors que c'est exactement la même chose. Donc, il va falloir qu'il y ait et malheureusement, s'il y a des défauts de ce côté-là, il faudra les admettre et pas juste parce qu'il est français dire non, c'est autre chose. Mais effectivement, bon, après, c'est plein de passion et c'est normal. Il est jeune, il est dans un top team, il a Verstappen en face de lui. Il voit qu'effectivement, il peut quand même arriver à faire ce que les autres avant lui n'ont pas réussi à faire avec Verstappen. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, s'il le plie parce que Verstappen n'est pas dans le truc, c'est quand même parce que Verstappen n'est pas dans le truc. Donc, ce sera une victoire tout autant, une domination tout autant valable. J'ai quand même hâte de voir une course où les deux Red Bull sont quand même assez bien placés au départ et prennent un départ normal pour voir comment les deux arrivent à gérer une course. Ouais, moi aussi. C'est plutôt là, parce qu'effectivement, peut-être que Verstappen est blasé par le problème des qualifications, mais le jour, je pense quand même que ça va quand même arriver assez rapidement, peut-être même dès le Japon, hein, espérons-le pour eux deux, qu'ils prennent des départs corrects tous les deux et qu'ils puissent faire dérouler une course correcte tous les deux, qu'on voit effectivement quel est le niveau voilà, des deux, pour vraiment les comparer. Je viens de me rappeler qu'ils avaient gagné avec un moteur Honda l'an dernier au Japon et je me dis que Honda ça va pas être la même limonade quand ils vont arriver à non, mais ce problème c'est que tu vois, je pense Red Bull, je pense Suzuka, j'ai dit merde, mais non, c'est pas à domicile cette année, c'est peut-être la Stone qui sera avec une livrée spéciale. C'est faux. Une livrée invisible. Pour pas voir que ça tremble. On n'est pas là. On va passer c'est bien parce que d'émission en émission, on tease Aston à chaque fois. Ah, mais ouais, mais c'est, ça va devenir un peu un running gag. On va passer à Williams. Alors Williams marque 2 points, ça c'est le côté positif. Albon n'a pas pris le départ après un problème mécanique. Et globalement, en termes de performance pure, c'était la 9e force, puisqu'ils étaient tout le week-end sur la 9e ligne. Hein, c'était 17-18 tous les deux à chaque fois, éliminés en SQ1, éliminés en Q1. Il y a du taf, mais ça on le savait déjà, mais je trouve que les pilotes sont un peu, ont l'air un peu désespérés quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Moi, j'ai été très marqué par le contraste du discours de Sainz, parce qu'il fait un week-end quand même remarquable. Hein. Je pense que l'an dernier, avec une même voiture, il finissait pas loin du podium, finalement. Parce qu'arracher ses 2 points avec Williams, je me demande pas si c'est même pas un des meilleurs pilotes du week-end, hein, avec Antonelli, Sainz, parce qu'il fait vraiment, je pense, un week-end incroyable en arrachant, certes avec des abandons, mais en arrachant cette 9e place totalement inespérée pour Williams, qui les rapproche, enfin, qui met égalité de Audi, et d'ailleurs en éteignant Albon, aussi en qualif. Donc on aurait pu se dire, après la course, il va avoir un discours, mais alors peut-être pas euphorique, en tout cas hyper ravi, ça prouve qu'on abandonne rien, qu'on lâche rien, et que ces 2 points, c'est inespéré. Ben non, son discours d'après-course, il était vraiment sombre, alors même qu'il sortait d'un petit exploit, c'était hyper négatif, on sait que c'est une exception, qu'on est en difficulté, qu'on a énormément de retard, donc je pense que la situation est encore pire qu'on pense chez Williams, vu le caractère hyper sombre du discours, alors que Sainz, ça fait quand même un dimanche, moi, que je trouve exceptionnel avec la voiture qu'il avait. Donc, paradoxalement, ça m'a rendu encore plus inquiet. Quoi. J'ai adoré la réaction de son cousin, qui est son manager, dans le stand de Williams, qui sautait de joie pour les deux points, alors que les mécanos, ils étaient là. Ouais, donc, ouais. C'était bon. Ok, on les a pris parce qu'il n'y a plus de McLaren en course. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est la fiabilité. Mais c'est le jeu. Hein. Oui, non, c'est ça. Alors, la fiabilité à moitié, puisque Albon, pareil, comme moteur Mercedes aussi, n'est pas parti non plus. Hein. Donc, ça fait comme trois moteurs Mercedes. Et McLaren, elles ont fait quoi? J'ai pas su. T'es arrivé trop dans l'émission, c'est pour ça. On en a parlé très tôt parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Elles ont fait comme Albon. Ok, d'accord. Donc, maintenant, troisième force du plateau. Cette image était super lisse de voir il s'appelle Onuro, je crois, Carlos Onuro. Carlos Onuro Sainz, ouais. C'est ça. Onuro Sainz, pardon. C'est ça, son cousin. Et il sautait de joie dans le garage pour les deux points marqués. Alors que les mécanos, ils étaient presque au fond du trou aussi, parce qu'ils savent très bien que la voiture, elle n'est pas du tout au niveau qui était. Alors certes, James Vowles avait dit plutôt 2028 pour gérer les premiers gros résultats, mais là on part pas sur une base qui est très saine, quoi. Non. Avec quand même un moteur qui est quand même la référence. Donc chez Williams, c'est la voiture qui va pas et la gestion du moteur aussi. Donc je suis un grand naïf, je suis trompé par le discours d'Alpine et j'ai cru James Vowles quoi tout l'hiver en disant qu'ils avaient fait un gros boulot sur 2026, donc. Ouais, mais je pense que c'est la grosse claque hein, pour Carlos. Donc, ouais. Mais je pense que pour tout le monde, après, c'est sûr que Sainz, qui est moins là depuis longtemps, parce qu'Albon il est tellement impliqué dans le projet depuis longtemps qu'il doit espérer. Voilà. Carlos doit espérer que Vax claque la porte de la F1 à la fin de l'année, parce qu'il a quand même une clause de sortie en son surtout avantage. Quand il voit aussi qu'il a repoussé Alpine, qu'il a repoussé Audi, et effectivement, hein, c'est en disant que Williams sera plus fort en 2026, et la saison est encore longue, mais pour le moment, c'est pas le bon pari. C'est ça. Après, quitter Williams pour aller chez Red Bull, est-ce que quitter la 9e force pour aller sur la 6e, c'est vraiment super intéressant, je sais pas. Mais... non mais Red Bull. Oui, mais après chez Red Bull, t'as l'espoir d'être promu chez Racing. Non mais Red Bull, on savait que ce serait difficile à cause du moteur, et puis finalement, c'est pas tellement le moteur qui pêche pour l'instant, à part la fiabilité. Elle était très très bonne. Oui, elle était bonne. Mais bon. Ah putain. Mais oui, non, mais c'est sûr que bon, après, il y a quand même plus de potentiel chez Red Bull pour l'instant. Et d'ailleurs, Franck, si tu as un doute par rapport au nom de son cousin, au pire, tu peux l'appeler Carlos Sainz, hein, parce que c'est aussi son nom, donc c'est plus facile. Donc, plus facile. Son un autre, une génération ou l'autre, tu retrouves tout le monde. Ouais. Tout le monde s'appelle Carlos Sainz. Moi le seul métier que je voudrais jamais faire en Espagne, c'est être facteur, tu vois. ou psychologue d'Alonso. Si ça pourrait être marrant par contre. Bah depuis ce week-end, est-ce déjà je ferai un chiffre d'affaires énorme. Kiné d'Alonso. Avec un seul client. Mais tu seras peut-être en burn-out hein, par contre. Ouais. Bah écoute. Ouais, parce qu'à mon avis, il faut qu'il évacue hein, le Fernando. Bonjour Fernando, racontez-moi votre bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, mais je viens de voir que vous avez pris un rendez-vous de 3 heures, Fernando. Pourquoi vous avez Parkinson? Pourquoi vous avez Parkinson? Ah, ça, par contre, faites coucou au Cadillac. Pour ça, il faudrait aller voir votre kiné, par contre. Non, je peux rien faire. Oui, c'est un petit quart d'heure pétage de plomb. Oh l'équipe. Ah, non, mais on y reviendra, évidemment. On vous tise. On va parler d'abord d'Audi. Avec une constance absolue pour Nico Hülkenberg, qui fait 11e des qualifs sprint. Il abandonne au sprint. 11e des qualifs, 11e de la course. Donc clairement, il avait décidé de ne pas être dans le top 10 ce week-end. Au demeurant, 2000e de la Q3. Ouais, vraiment pas de bol. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. je viens de voir que Xoan, il dit tant que la mère de Carlos s'appelle pas Carlos. C'est pas mal. Carlita. Carla s'appelle. Carla. Ou Carglass, mais bon, c'est pas vrai. <en France. rire> Et puis Bortoleto, qui n'a pas pris le départ lui non plus, décidément. On avait une grille à 18 minutes. Bah là aussi, hein. C'est de la constance chez Audi, puisque c'était une sur deux. Qui prenait pas le départ. Mais finalement, ouais, c'est toujours de McLaren. Hein. Ça leur fait toujours deux fois plus de voitures qu'on coulait en course depuis le début de saison que McLaren, effectivement. Pas de points cette fois, mais bon, bah, c'était un peu plus en difficulté, un peu plus en retrait, on va dire, un peu plus dans le ventre mou qu'à Melbourne, mais c'était pas non plus mauvais pour Audi. Ouais, hein. Et toujours des. Enfin, ça bosse bien, quoi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, ça bosse. Bah, effectivement, Hülkenberg, tout proche de la Q3, je pense que ses départs n'étaient pas terribles non plus. En tout cas, Bortoleto n'a pas pris le départ, mais le départ du Hülkenberg n'était pas génial. Et effectivement, bon, c'était plutôt après dans un bon ventre mou, hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt, ça va jouer les points comme finalement en fin de saison dernière avec Sauber. Et ben moi, encore une fois, je vais me rappeler pas, je les attendais plus loin. Je les attendais plus loin et avec plus de problèmes de performance. Voilà. La fiabilité, ben, elle n'est pas terrible, hein, honnêtement. Ben, 50% de voitures qui ne partent pas, c'est quand même pas génial. Mais bon, c'est effectivement. Mais quand ça part, ça fait le coup. Ça qui est... ben ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, c'est juste qu'il faut. Faut... Petit conseil pour Audi et McLaren, pensez à prendre le départ parce que souvent ça paye. C'est une phrase à la. C'est la phrase Enzo, ça. C'est une phrase à la Drive to Survive, là. Oui, je suis le nouveau Will Buxton. Ouais, pour partir, il faut déjà prendre le départ. Et pour être le plus rapide sur un tour, il faut déjà être le plus rapide sur un tour. Il faut déjà aller plus vite que les autres. Pour aller en Q2, il faut passer la Q1 d'abord. Non, Audi, moi je suis content pour eux. Moi aussi, ouais, franchement, c'est solide. Dire, la base, même la base performance, c'est pas dégueu, hein, clairement. Ouais. Donc, bah non, ça part bien. Ils donnent une bonne image de la marque, voilà. Mmh, clairement, ouais, clairement. Sérieux. Pas comme Aston. Alors, avant de parler d'Aston Martin, on va parler de Cadillac, parce que finalement, il y a une bonne image de marque de ce côté-là. Les deux voitures sont à l'arrivée. Malgré la tentative de Perez de les éliminer toutes les deux, Bottas est 13e. Ouais, Perez... Vous voulez rejoindre les McLaren et les Aston. Bottas 13e, Perez 15e. Alors, Perez était vraiment honteux d'avoir fait ça. Il était vraiment désolé, effectivement. Voilà. Mais alors c'était loin, mais c'était moins loin qu'en Australie. Il y avait déjà un écart quand même plutôt réduit par rapport aux longues secondes de retard à Melbourne. Le vendredi, on était à 2 secondes et demie, je crois, à peu près. Après, ça s'est un peu creusé dans le week-end, mais c'est du 3 secondes. Là où à Melbourne, c'était 4. Donc, ça reste quand même plus positif. Et surtout, en course, c'était plus rapide que les Aston Martin. 10e force en termes de rythme de course. Alors, certes, les Aston, je pense que les vibrations n'aidaient pas. Mais c'est pas si mal. Je sais pas ce que tu en penses, Franck, du bilan de Cadillac ce week-end. Bah, moi, je dis que la progression, elle est pour l'instant de course en course, hein, notable. Hein, deux voitures à l'arrivée, deux voitures fiables. Bon, le moteur Ferrari les aide vraiment, hein, parce que c'est vraiment pour l'instant le seul motoriste sur lequel on peut vraiment rien dire sur ces deux premières courses, sur l'ensemble de leur monoplace. Donc, ça, c'est bravo aussi à la Scuderia pour ça, pour fournir quelque chose de plutôt fiable. Quand chez Cadillac, ça marchait pas trop en essai privé ou sur les petits bugs, c'était comme plutôt de leur côté, pas du côté de Ferrari. Donc, ça, c'est aussi. Rassurant de voir que l'équipe américaine qui vraiment est partie de beaucoup plus loin, de beaucoup plus proche de zéro que Haas en termes de conception, ouais, voilà. Puisqu'ils font beaucoup plus de choses que Haas, d'arriver déjà à un niveau qui est quand même extrêmement respectable. Moi je suis vraiment impressionné par cette équipe, franchement, parce que l'organisation en plus elle est pas facile, hein. Il y a comme une partie aux États-Unis, une partie en Angleterre, c'est pas vraiment le. Ils sont vraiment pas mis dans le côté le plus facile en termes de logistique, d'organisation des choses. Malgré ça, la voiture elle est sortie à temps. Les deux voitures étaient en ligne sur la grille à Melbourne. Les deux voitures sont arrivées au deuxième Grand Prix en Chine. Le rythme était plutôt respectable, comme tu l'as dit, Manu. C'était pas du 4 secondes, c'est même pas du 3 secondes, c'est plutôt du 2 secondes en course. Donc voilà, ça progresse bien. Maintenant, voilà, il faut sortir les évolutions, donner plus de rythme à cette voiture. Qui en a vraiment comme besoin, clairement, sur un tour, ça c'est certain. En course aussi, mais voilà, ils sont là pour apprendre, clairement. Maintenant, ils espèrent que dans 6 mois, ça pourra peut-être commencer à jouer du top 10 sur quelques abandons, quelques courses un peu animées. Mais ça peut. Moi, je pense que à ce rythme-là, si les évolutions sortent bien correctement, comme des gens d'expérience, hein, ils ont du Pat Simon, ils ont du Nick Chester, ils ont quand même des grands noms quand même de l'ingénierie derrière, donc des. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut en termes de staff et en termes d'équipement pour concevoir de belles choses. Donc, je pense que ça peut progresser. Et Franck rappelle donc quelque chose d'important, c'est qu'ils ont décidé de grimper la F1 par la face nord, c'est-à-dire en ne sous-traitant rien. C'est ça. Alors que là, ça avait presque tout sous-traité à Ferrari, donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Mais à long terme, on a l'espoir de devenir une top team. Sauf surprise, n'a pas vraiment cet espoir-là. Donc effectivement, ils sont à l'arrivée avec les deux voitures de la deuxième course. C'est plutôt vraiment une bonne nouvelle. Et on voit que Bottas a fait 13e, hein, donc on ne sait jamais. On était presque plus très loin des points avec un petit crash, je ne sais pas, entre les deux Ferrari ou deux gens. C'était pas trop loin. Le crash entre les deux McLaren au prochain Grand Prix. McLaren ne peut pas enlever plus de voitures que ça. Donc, Non, mais à Miami, les deux vont se cracher, tu vois. Arrête. Et donc de Mercedes. Ça vaut moins Oui, je m'en fous. Et donc, ouais. Alors après, un mot sur les pilotes. Moi, j'ai trouvé Bottas beaucoup plus en forme que Pérez. D'autant que Bottas, moi aussi. On a parlé du rythme en qualif et en course, mais en fait, Bottas, il a eu des problèmes de déploiement d'énergie en qualif. Et Pérez, apparemment, lui a fait perdre du temps en l'arrachant son côté gauche. Et donc, on n'a pas vu non plus le maximum de la perte de Bottas en course, qui peut rendre aussi d'autant plus optimiste. Donc, c'était plutôt l'inverse. Hein. La semaine dernière, c'était quand même Pérez qui avait pris le dessus sur Bottas. Bon là, Pérez est monté sur Bottas, mais il était quand même en dessous au niveau des performances pures. Donc c'est plutôt encourageant pour l'équipe. Et sinon, pour Pérez, on est tous d'accord qu'il a fait n'importe quoi. Mais j'ai été quand même surpris parce que Pérez s'est excusé en reconnaissant ses torts. Et ben ça, je pense que j'avais jamais vu ça. Mais il a enfin atteint la maturité après 15 saisons en Formule 1. Non, mais c'est vrai que oui. J'attendais de voir son père qui n'a rien dit en disant que Pérez avait battu Bottas, qui avait parfois battu Hamilton, qui était le meilleur de tous les temps. Non, mais il n'a rien dit non plus. Quand il devancera Bottas à Miami, son père dira qu'il le bat sur tous les circuits où Bottas n'est pas devant, tu vois. Donc, Non, mais oui, après, effectivement, Hatchoum a raison. Il faut que Cadillac, par contre, faut quelqu'un les prévienne que c'est pas en mettant du carbone sur la piste qu'on fait pousser des pièces. Ça marche pas comme ça, donc ça sert à rien de lâcher des morceaux. Il vaut mieux les frais à l'usine. Non, mais voilà, c'est vrai que la Cadillac de Pérez a perdu des morceaux en qualif, je crois. Et on a déjà vu plusieurs fois depuis le début de saison. Mais bon, voilà, je pense que eux, comme ils le disaient, hein, ils sont arrivés à Melbourne, enfin, ils sont arrivés dans les essais privés, en n'ayant jamais mis la voiture en piste, donc en n'ayant aucune donnée de circuit. Et moi, je trouve que franchement, on peut que saluer leur travail. Ils sont à 2-3 secondes en termes de rythme, ils sont à un tour en course. Il y a des équipes qui ont démarré leur carrière avec beaucoup plus de retard que ça. Il y a des équipes qui n'avaient pas General Motors et plein de budget derrière aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est sûr. Après, ils ont un schéma qu'on a rarement vu en Formule 1 pour un groupe qui arrivait. Presque, je dirais, la dernière équipe qui a fait ça, c'était Stewart. Mais ils avaient un bon budget de Ford quand même, malgré le fait qu'ils étaient indépendants. Mais c'était une époque où la F1 était un peu différente. Et là, c'est vrai que moi, je trouve que c'était bien de la part de Cadillac. Et je pense que c'est encourageant pour que la saison se passe bien. J'ai hâte de voir en fait ce que va amener leur nouveau package, puisqu'ils ont l'air d'avoir déjà des choses dans les tuyaux. Et ça peut être sympa parce que la voiture, on rappelle, est très très conservatrice pour le coup. Il n'y a aucune folie de design dessus. C'est vraiment le règlement à la lettre. Et ils ont raison parce que c'est comme ça qu'on a des données normales en course. Voilà. Donc pour l'instant, toujours une bonne surprise. Et puis quand on a la plus belle voiture de la grille, on peut au moins avoir cette fierté. Hein Je trouve dommage qu'on n'en voit pas beaucoup plus à la télévision. Bah, c'est ça. Dommage que même les grands médias généralistes n'en parlent pas beaucoup. Pas plus beaucoup, parce que nous on en parle parce qu'on sur Nagin Auto, ça fait depuis qu'on existe qu'on met un point d'honneur à parler de tout le monde. Même lors de ces débriefs, hein, pour qu'ils nous prennent quand même beaucoup de temps. Il va être tard, on a quand même beaucoup bossé ce week-end. On met un point d'honneur à en parler. Tout à fait. J'ai même vu de passer dans le chat tout à l'heure, j'ai même oublié que Pérez était revenu en F1. C'est tellement pour vous dire, ces équipes-là sont souvent zappées ou ne sont pas très montrées dans le. Voilà. Alors que nous, ils ont le droit à leur article jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi avec le patron. Et même aujourd'hui, même encore. Et même deux, parce qu'encore le patron, et on a eu un re-Pérez aujourd'hui. on a fait une deuxième couche sur Pérez, cette fois qu'il a écrit en plus. Il faut rendre. Bon, après, voilà, on a un site spécialisé aussi, donc on attend certainement ça aussi de nous, évidemment. Mais je trouve que les grands médias devraient quand même. Voilà, mettre un peu plus de considération pour. Et pas juste de temps en temps un papier, parce que pour dire Cadillac est en F1, qu'est-ce qu'ils font, machin, voilà, c'est essayer de les suivre un petit peu aussi tout au long, quoi, parce que je trouve que ça mérite vraiment. Ouais, je pense que les gens. Et en fait, c'est ça qui est dommage de la part des médias spécialisés, c'est que les gens se rendent pas compte à l'ampleur du défi que Cadillac est en train de réaliser, en fait. Vraiment partir de zéro comme ils l'ont fait, voilà, c'est... Si, il y a Keanu Reeves qui vient de sortir ce documentaire. Mais parce que Keanu Reeves est quelqu'un de bien, mais parce que Keanu Reeves, surtout, il est un meilleur journaliste F1 que pas mal de journalistes F1 anglo-saxons. Petit billet aussi au passage, quand même. Hein. Oui, sûrement, mais après, le documentaire qu'il a fait sur Brand GP était vraiment très bien. Oui, il est passionné, ça c'est sûr. Ouais, c'est un vrai passionné de F1. Il espère faire peut-être le deuxième film sur la F1, peut-être. Oh putain, mais tellement, je le veux. Je veux juste qu'il gagne à la fin, par contre. Le gros fanboy. Et donc, on va terminer. Si c'est un film américain, il n'y aura pas de problème, hein, je pense. Ouais, je pense. C'est pas mais sauf s'il y a Brad Pitt, parce que du coup, Brad Pitt, il gagne toujours quand même plus, tu vois. Ça doit être contractuel, je pense. Ouais, non, je suis sûr qu'ils vont nous faire un truc avec Brad Pitt, Tom Cruise. Ils vont tous pouvoir faire un film de F1. On va avoir une grille de 22 pilotes avec les 22 plus grosses. Jason Statham. Ocean's 22, un truc comme ça. Et on termine par Aston Martin. Alors, effectivement, le bilan Alonso abandon, Stroll abandon. Championnat 11e place. Alors, Stroll a abandonné parce que sa batterie a cassé, probablement à cause des vibrations. Et Alonso a abandonné parce qu'il ne sentait plus. Et ses quatre membres, voilà. Donc, comment vous expliquer que moi je trouve anormal que la FIA n'ait pas encore mis un terme à cette mascarade ? Je me permets de prendre la parole en premier. Bah, pour moi, quand tu as une voiture qui menace l'intégrité physique de ses pilotes et qui empêche ses pilotes d'avoir une sensation de ce qu'ils font, alors qu'on est dans une voiture qui va à 300, bon, elle ne va pas à 330, elle va à 320, mais. 250. Je veux dire, putain, il lâchait les volants pour se remettre de la force dans les mains et tout ça, et après ça, il doit faire un tour d'une voiture ultra précise. Enfin, je veux dire, il y a un niveau de danger. On parle du danger des départs, mais pour moi, un pilote qui sent plus ses mains et qui doit conduire une F1, on est dans un niveau de danger qui est totalement lunaire par rapport à ce qu'on demande à la Formule 1. Et je comprends. Et la FIA va devoir, au bout d'un moment, dire maintenant, on va prendre votre voiture, on va la mettre sur un banc d'essai, et tant qu'elle n'a pas un niveau correct de stabilité, de non-vibration, elle ne roule pas. Alors je sais que c'est triste parce que s'ils roulent pas, ils auront pas le niveau, mais au bout d'un moment, il va bien falloir, ou alors on les fait rouler qu'en essai et on leur interdit de faire les courses. Je sais pas, mais il y a un truc à faire parce que vraiment, il y a un vrai danger. Et en plus de ça, derrière, c'est l'intégrité physique des pilotes à long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura des dommages nerveux. Et ils l'ont dit avant la saison. Des lésions, ouais, mais du coup, c'est donc. C'est la première fois qu'on la voit autant vibrer quand même, il me semble. Mais en tout cas, ça rejoint. J'avais vu d'images où ça vibrait autant. Ben, à Melbourne, les caméras embarquées étaient déjà bien dégueu. Hein. Ouais, mais là, quand même, on sentait vraiment les vibrations. On voyait bien les mains qui. Ouais. Qui s'attendaient. Dans le parallèle du marsuinage hein, en 2022, où la FIA a pris des dispositions. Hein. Ça exactement. Plateau, là, c'est pour le dos, là, surtout. Hein. Les clients qui prenaient cher. Ouais. C'était aussi un problème d'intégrité physique. Et là, je suis désolé. Hein, encore une fois, on confie une voiture à des pilotes qui ne vont plus sentir ce qu'ils font. Et quand on sait la précision requise pour conduire une F1, piloter, parce que c'est pas de la conduite. Ben moi, je trouve pour ceux qui pensaient que Honda a exagéré ses problèmes pour avoir plus de développement, là je pense que on a vu que c'était pas le cas quoi. Ouais, franchement c'est pas. Mais le problème d'Honda, c'est qu'ils en sont tous sous-estimés. leur problème apparemment. Ça c'est un autre sujet. C'est triste hein. Ouais, mais ouais, du coup, alors c'était moins pire parce qu'il n'y a pas d'essai privé, c'est triste parce qu'ils ont pas le droit de rouler à côté, c'est ça. Parce qu'ils ont beaucoup de choses. Après au moins là ils ont roulé en essai déjà. Parce que ouais, effectivement, même s'ils peuvent mettre une voiture complète sur un banc, je pense pas qu'un moindre banc puisse vraiment répercuter l'ensemble des forces que subit une voiture dans la vie réelle, quoi. C'est-à-dire la pression aérodynamique, les bosses, voilà, c'est on peut les bosses si, c'est déjà plus facilement reproductible, mais toute la partie effectivement aéro, ce genre de choses, et toutes les contraintes qui s'exercent du coup sur une Formule 1 qui roule, c'est quand même beaucoup plus facile. Faudrait imaginer une soufflerie grandeur nature où on souffle des vents qui vont beaucoup plus vite ou qui se freinent énormément, ce qui est impossible à refaire évidemment, pour réussir à vraiment cerner le niveau de vibration. Alors, peut-être qu'ils savent exactement d'où ça vient, mais pour l'instant, s'ils le savent, ils n'ont peut-être pas la solution rapide non plus, quoi. C'est le problème. Ouais, c'est ça. Ce qui est d'autant plus, il y a toujours un double discours entre Aston et Honda, puisque Honda disait voilà, on a apporté des correctifs, etc., et on pense que la situation sera meilleure. Un discours immédiatement démenti par Alonso qui a dit bah non, en fait ils ont juste baissé la puissance moteur et les correctifs et il n'y a aucune différence. C'est ça. Donc oui. Voilà le groupe avec Newey qui reste aux abonnés absents pendant ce temps-là, qui n'a pas pris la parole une seule fois du week-end. Terrible. Le manque de leadership de Newey, c'est il envoie crack se prendre toutes les balles. Franchement, même Honda, ils envoient plusieurs de leurs dirigeants, tout le monde est présent pour répondre. Et franchement, ça doit leur faire mal, hein, parce qu'on connaît la fierté des Japonais. Et je pense qu'ils y vont tous chacun leur tour pour prendre leur roost en conférence de presse. Est-ce qu'on mettrait pas 100 balles sur un petit mot bien sympathique d'Alonso au Japon? Pas moteur GP2, mais bon, moteur F3. Un petit truc qui titillerait bien les Japonais. Je pense tellement de monde l'attend sur là, je pense qu'il va se tenir à... Ouais, je pense c'est trop tôt dans la saison. Il ne faut pas oublier que Suzuka en 2015, c'était au bout de la saison et c'était juste après la Russie où il avait abandonné au tour de formation. Il n'avait même pas pris le départ dans une McLaren, apparemment, ça se faisait déjà à l'époque. Mais bon, Alonso, hein, donc. Ouais. Oui, mais moi je pense qu'il va, je pense qu'il va nous en faire une ou deux belles avant la fin de saison, mais là pour l'instant il a l'air encore de serrer les dents, et je trouve en conférence de presse il est d'une froideur, et je parle bien de sang-froid. Peut-être que la canne qu'il a reçue de la part de Nico Hülkenberg en Secret Santa va peut-être lui servir finalement. Non, c'est terrible. C'est pas drôle. Franchement, à sa place, comment ne pas être, mais alors totalement abattu. Hein. Moi, je comprends. Franchement, il a une détermination pour ne pas. Enfin, moi, je pense que beaucoup de pilotes auraient claqué la porte après les essais hivernaux. Allez vous faire foutre avec vos voitures. Non, mais franchement, et qui lui en aurait voulu? Ah, bah ouais, moi, le premier, j'aurais compris. La remarque, ne sous-estimez pas son impatience. C'est très joliment dit. Elle est magnifique. C'est très joliment dit, c'est vrai. Mais moi, je pense à un moment que, par contre, ça va être. Je pense qu'à un moment, c'est Laurent Stroll qui va prendre la parole. Et soit ça va être pour dézinguer gratuitement Honda, soit ça va être pour en mettre une à Newey. Je sens que ça va se passer comme ça, mais à mon avis, l'équipe va... Newey ? Mais Newey, il va en prendre une avant. Enfin, quand t'es Laurent Stroll, que t'as mis Newey... C'est Cowell qu'il faudrait y mettre sur le pilori déjà, pour commencer. Oui, mais lui, Cowell, il a déjà été... Cowell, il est puni de... Il a plus le droit à l'avion retour en Europe, donc... C'est ça, il a pas lu. Il est plus ou moins déporté au Japon, Cowell, donc c'est quand même quelque chose, déjà, niveau sanction. Mais... À Hiroshima. C'est pas gentil, ça, non plus. No comment. Mais, mais voilà, et alors que Newey, franchement, bah, je trouve qu'il a un manque de leadership qui est catastrophique. Ouais, totalement. Ouais. C'est là, enfin c'est lunaire. Il est, franchement, je trouve qu'il est en train de gâcher son image à une vitesse. C'est terrible. On n'entendra plus que pendant les conférences officielles de la FIA, je pense. Hein, parce qu'ils vont l'inviter toutes les semaines du coup pour le faire chier. Mais non, mais c'est terrible. En fait, je trouve vraiment. Nouvelle du jour par Adrienne. Le point hebdomadaire. Météo, il fera très beau. L'Amstral est très content. Il fera beau ce week-end. Non, la livrée est très jolie. Parce qu'on se souvient qu'après on rappelle quand même qu'après les essais hivernaux, Stroll avait dit il y a deux points positifs, c'est la livrée jolie et il a fait un temps très beau à Bahreïn. Mais même Lance Stroll, au bout d'un moment, je sais pas comment il se motive encore à rester là-dedans. Je sais pas si son père fait pression en lui disant j'ai mis assez d'argent sur toi, tu restes ici, mais franchement, quel enfer. Mais bon. Après, si jamais il se barre, il y a toujours Pedro de la Rosa pour prendre le relais, donc ça au moins c'est rassurant. Et Van Dorn, je pense qu'il préfère quand même rouler chez Peugeot en endurance. Il a une vraie voiture de course à disposition, au moins lui. Je pense qu'il n'y a aucun pilote qui a envie de conduire la Aston Martin. Mais non, même mon jeune pilote, on te propose le truc, tu fais non. Là, c'est ça. Et oui, effectivement, Bubble Boy soulève un point très intéressant. Heureusement que Newey n'a pas été chez Ferrari. Parce que chez Ferrari, ils vivent leur meilleure journée avec Benjour, avec Loïc Serra et Fred Vasseur. Et pendant ce temps-là, effectivement, faire venir Newey, c'était pas le pari gagnant, clairement. Oui, donc on n'a rien plus à dire sur leur performance. Performance, comment tu veux. Oui, tu peux rien juger, en fait. Voilà. A priori, il y a... ça peut être que mieux. Hein, pour alors, s'il y a un truc où la voiture est meilleure, c'est dans les oscillations verticales. Là, elle est plus rapide que les autres. Mais sinon... Non. Et donc, Honda compte beaucoup sur la première amélioration moteur qui leur sera accordée pour renverser la table. Et on est très négatif, mais c'est quand même Honda. Ils ont prouvé avec Red Bull qu'ils pouvaient renverser la table. Ça va prendre du temps, hein, simplement. Je pense qu'Alonso peut se permettre 2 ou 3 saisons d'attendre à ce rythme. Mais voilà, je pense que ça fait longtemps qu'on dit ça, mais Aston Martin a pourtant tous les outils, tous les budgets. De moins en moins d'excuses. Voilà. Et moi, ça peut aller que mieux, hein, mais ça fait tellement de temps qu'on dit ça. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est pas la capacité pure de Honda à corriger le tir, c'est que pour corriger le tir, Honda a besoin d'un partenaire. Ils n'ont pas besoin d'un client. Et Aston Martin n'a pas l'air de se comporter en partenaire. Là, ils ont envoyé Cowell, c'est bien. Hein. Mais en fait, encore une fois, quand ton partenaire avec qui tu annonces en grande pompe que tu vas être son équipe d'usine, tu mets 2 ans, et je dis bien 2 ans, à savoir que le partenaire en question n'a pas assez d'ingénieurs et que tu mets 2 ans à visiter son usine, mais c'est pas du partenariat, ça. Ça, pour moi, c'est lamentable. Et en fait, j'ai peur pour Honda que bah, si Aston ne leur donne pas assez de clés, tu pourras faire toutes les évolutions. Alors oui, le moteur sera plus puissant, plus fiable, mais l'intégration dans la voiture et la gestion de la haute vitesse dans ce châssis, c'est pas gagné. Et désolé pour les fans d'Aston Martin, d'Alonso qui nous regardent et de Stroll aussi, si, parce que je pense qu'il y en a. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour notre ancien collaborateur et ami Paul. Oui, au fond du trou. Il doit être content d'avoir arrêté parce que franchement, lui, genre impatience, il a perdu pied avant. Ouais, parce que t'imagines si là il bossait encore avec nous et qu'il devait se taper les débriefs d'Aston Martin le dimanche. Ah oui. Parce que lui, il nous trouvait toujours les citations d'Alonso en premier sur la télé espagnole. Oui. Et je pense qu'il devrait être bien dégoûté. Voilà, en tout cas, on le salue. Et on l'embrasse. Mais effectivement, c'est. Jeune papa. Tout à fait, exactement. Et non, une petite pensée chaleureuse, Xoan, s'il n'y a pas besoin de que les gens soient morts pour penser à eux. Comme Manu, on pense pour lui, voilà, mais il n'est pas mort. Hein, c'est juste non, c'est juste que McLaren n'a pas pris de départ. Voilà, je vais m'en remettre, je veux dire. Là. Oh, ça va être le running gap pendant un petit bout de temps, ça, quand même, j'ai l'impression. Bah, ça dépend. Si les deux voitures sont au départ la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, ça ira déjà mieux. Mais s'ils continuent à avoir zéro ou une voiture sur la grille, oui, on va se mettre. Sur 12, c'est déjà pas si mal. Hein. Ah bah c'est mieux. Ouais. J'ai vu un truc qui était drôle, c'était pour Piastri, il devrait participer à un rendez-vous en terrain collé sur les grilles de départ. Ok, on la valide. Ah là là. Et on représentera Alonso et Astros qui a un drapeau à damier aussi. Ouais. Et à Niue, la presse. Je suis. Ce sont des journalistes. Ceux là, pour vous poser des questions, il faut leur répondre. Ah bon? C'est obligatoire, ça. Mais pourquoi ils veulent savoir ça? Pourquoi ils veulent savoir que je parle? Ou alors, on présentera à Aston Martin les QG de Honda. Ça, c'est un ingénieur moteur. Ah! Ouais, c'est terrible, hein, franchement. On se marre, mais... C'est quand même, un bilan dramatique c'est pour une équipe. C'est quand même le plus gros crash industriel de la F1, hein, pas loin. Ouais, bah moi, là, on en est à un point où je me rappelle pas... Moi, je regarde la F1 depuis 30 ans, toi, Franck, encore plus, puis on la connaît quand même bien historiquement. Oui. J'ai pas souvenir qu'on ait des... On Lola, 97. Ouais, mais Lola, c'est pas... C'était pas... Voilà, ils ont ils ont même pas eu le temps de construire une usine. Secondes, quand même, hein. Oui, mais ils n'ont pas eu le temps de construire une usine, on leur oui, a dit... c'était Lola. En fait, bah non, mais Lola, c'était comme une grande marque de châssis, quand même. Oui, mais vu que... Non, mais c'était pas Aston et Honda. Et vu que Mastercard leur a dit, vous venez avec un an d'avance, ils ont mis en piste en 97 un châssis qui était construit en 95. Donc, il y avait les 11 secondes, s'expliquaient, en fait. Et alors, effectivement, après, bon, le fiasco était total, mais... Et en plus, c'était Ricardo Rosset qui était en seconde, Sospiri n'était que... à 7 secondes. Mais... Je dirais quand même que Mastercard porte un peu la poisse. J'ai pas envie de dire... J'ai pas envie de porter plainte. Bon, on se retrouve dans deux semaines. Merci de nous avoir suivis. Si tu réfléchis bien... Hein. Oui, je n'ai pas trop envie de réfléchir, mais c'est vrai que c'est... effectivement, j'y vais. Elle est là. Enfin, c'est toujours mieux que Rich Energy. Quoi. Oui, c'est vrai. Ou Rocket. Voitures, au moins, les voitures prenaient le départ hein, avec Rich Energy. Ouais, mais bon. Manu, là. Bah non. Bah non, mais. Là, il prend pour pour la saison, là. Enfin, j'espère écoute, pour lui. Ça va. Je suis encore dans l'euphorie 2025. Années, la voiture a toujours le numéro 1, vous savez quoi, bande de jaloux. T'imagines, McLaren, 11ème force du plateau, ce serait encore pire. Mais après je fais une émission avec un fan de Ferrari qui n'a pas eu de titre depuis 2008 et un fan d'Alpine qui n'en a pas eu depuis 2006. Donc, je comprends votre rancœur envers moi, mais au bout d'un moment. Oui, en fait, t'es le premier qui a un titre. Qui lui va depuis qu'on fait Next Gen Auto, enfin, depuis 2010. Donc, voilà. Donc je pense que vous êtes juste jaloux. Donc, moi, le jour où j'arrêterai Next Gen Auto, le jour où j'aurai un titre de Ferrari. Ah. Bon, on y va, mais ça peut... Non, mais là, ça dure comme ça dure. Moi, déjà, si j'attends le prochain... Je n'arrêterai pas Next Gen Auto, au moins, tant qu'il y a un titre de Ferrari. Et moi, si j'attends le prochain titre de McLaren, du coup, c'est 2052, c'est ça? Bah oui. Ça en fait des articles, c'est ça. Ouais, surtout si ça en fait beaucoup, surtout s'ils prennent pas le départ d'ici là. Surtout qu'il y aura 15 équipes et 38 ans. Franck le chauve arrêtera quand Gazou se coupera les cheveux. Oui, j'ai vu que Gazou, je suis tombé dessus, j'ai fait, mais c'est quoi quel est le projet c'est quoi le projet? Il y a un pari, il a perdu un pari, je sais pas. Je crois que c'est totalement volontaire. C'est pour se passer de chauffage l'hiver, c'est quoi? C'est un fan de Manchester United qui a dit je me coupe pas les cheveux tant que Manchester n'aura pas gagné 5 matchs d'affilée. Je pense que... Ouais, c'est un peu réussi, je sais pas, Non, je crois que c'est totalement volontaire. D'accord. Dernière nouvelle que je lui ai demandé, c'était juste une décision de laisser faire. Le Cantal, il doit avoir le chauffage, je sais pas. Alors, Kyudo Yoda a posté son premier message dans le chat. Bonjour à toi. Il dit salut, l'aventure Peugeot pour l'interrogation. Si tu peux nous donner plus de détails sur ta question. Parce que on a parlé de Peugeot parce qu'on parlait de Stoffel Van Dorn. Mais voilà, en tout cas. Peugeot, super motoriste de la Formule 1, évidemment. Oui, parti trop tôt au champ d'honneur. Tout à fait. Il sponsorisait l'équipe Jordan qui, avec un petit budget et était la même structure qu'Aston Martin, faisait bien mieux. Voilà. Non, moi Peugeot, je retiens plus les années Jordan que les années Prost, hein, clairement. Oui, vaut mieux. C'est vrai que c'était pas. McLaren aussi, mais c'est pareil, c'était pas. Oui, mais là, McLaren, ils avaient un châssis tellement d'obèsque et ils mettaient des ailerons de malades mentaux. Évidemment, le moteur, il avait du mal. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai. Ça marchait pas si mal que ça, quand même. Enfin, podium à Imola, la fameuse, tristement, triste course d'Imola 94, premier podium de. Peugeot. J'étais un grand fan. Après, c'est vrai qu'ils ont le record de casse moteur en une saison, puisque Prost avait révélé qu'ils en avaient cassé 54 en 2000 des moteurs. Donc voilà, c'est. Mais bon, c'était pas forcément de la faute de Peugeot pour le coup. Non, parce que Honda peut pas en casser parce qu'ils n'ont pas assez produit. Ils n'y arriveront pas. Record imbattable et pourtant ils essayent. Ils sont tranquilles. Ouais. Bon, bah. Si tu comptes tous les éléments moteurs, peut-être que tu peux arriver. Et je crois qu'on n'a pas fait nos pronostics pour le Japon, les amis. Et ben on va les faire en live, c'est pas grave. D'abord, on va revenir sur ceux pour la Chine. Ah oui. Alors. Franck, tu avais dit Leclerc, Hamilton, Russell. Tu étais optimiste, mais bon, Ferrari était pas mal, donc ça va. Alex, tu avais dit Russell, Leclerc, Antonelli. Donc là, c'est toi, tu es le seul à avoir mis Antonelli sur le podium, donc bravo à toi. Et moi, j'avais dit Russell, Leclerc, Hamilton. Donc on a tous un peu vu Leclerc plus haut, mais bon, on avait fait le pari de pari safe de Mercedes et Ferrari, hein, globalement. J'avais dit quoi, moi, Leclerc ? Toi, t'avais dit Leclerc, Hamilton, Russell. Il y a quand même deux. Oui. Non, mais toi, et j'ai quand même Hamilton, premier podium Ferrari, quand même. Moi aussi, et j'ai bien placé, en plus. Au bout d'un moment, ça arrive. Oui, enfin, je précise que j'en ai trois, et ça fait deux fois d'affilée que j'ai le meilleur prono. Moi, je tiens à dire que j'ai le prono exact du sprint, si jamais ça vous intéresse. Si je voulais faire comme ça, je dirais toujours Russell. N'empêche que j'ai gagné, quoi. Mais ouais, c'est pas une victoire. Mais moi, je prends des risques, Alex. Ça, c'est sûr que c'était un risque. Voilà. Anthony sur le podium, apparemment, c'est un risque. Bah, disons que c'était plus facile de pronostiquer Anthony sur le podium. Après, t'as pris des risques, mais moins que Manu qui a mis Albon deuxième en Australie. Ça, c'était un risque. Écoute, c'était pas plus vrai que mettre une McLaren sur le podium. Non, j'exagère. Au bout d'une McLaren au départ, ça j'ai pas mal. Vous êtes vraiment rude avec moi. Heureusement qu'on a deux semaines avant le prochain grand prix. Là... Franck, il est pire qu'un fan de grand. Ah oui, ça. Après, bon, menacer la McLaren MCL40 de mort, elle le fait toute seule, donc c'est un peu différent. C'est auto-suicidé. C'est ça. Auto-suicidé, c'est sûr. Bon, bah, on va faire nos pronos pour le Japon, messieurs, puisqu'il faut bien y aller à un moment. Franck. Eh ben, figurez-vous que je vais rester fidèle à ce que je pense. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, par rapport au fait que Suzuka, ça pourrait bien jouer sur Ferrari par rapport au virage rapide et aux qualités de la Ferrari. Donc j'ai bien envie de dire Hamilton. Ouh. Allez, allons-y. Allons-y. Hamilton, Russell, Antonelli. Voilà. Ok. Pas Leclerc sur le podium, j'ai un petit souci pour Leclerc, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ok. C'est pas mal. Alex ? Moi, dans les conditions actuelles, je vois pas Mercedes être battu en course, donc je vais dire Russell, Leclerc, Hamilton avec peut-être une erreur d'Antonelli. Et ben moi je vais dire Russell en vainqueur. C'est pas fun, hein. Écoute, c'est pas le dernier vainqueur en date déjà, donc on prend des risques aussi. Oh oui, pouf. Oh le risque. Oh là là. Le risque est énorme. Demain, soit il fait beau, soit il pleut, quoi. Alors qu'il y aura peut-être juste des nuages, qui sait. Après, moi, je pense qu'après l'hiver, vient le printemps. C'est la bouche Buxton aussi. Ouais, c'est ça. En 2, je vais mettre Leclerc. Et en 3, je vais mettre Antonelli. Et je mets Hamilton 4. Ah, bah, tu vas copier mon prono de la Chine. Ah oui. Et allez, je mets une McLaren dans le top 5. Ah Ah oui, non, je parle au départ alors. Top 5 sur la grille, je vais être prudent. Laquelle déjà? Ah, on est méchant. Tu parles des essais de départ en L2. Ah, c'est bien ces missions, c'est une thérapie, c'est important. Et Suzuka va être hyper révélateur des châssis. Moi, j'ai hâte de voir la branlée que vont se prendre McLaren et Red Bull sur leur châssis. Moi, j'ai hâte de voir la branlée que va se prendre Aston pour qu'on dise que c'est peut-être pas que le moteur en fait. Ah, ça, c'est autre chose. Manu, t'es dur, mais sache que je suis dur, mais c'est mon clan, donc je suis. Voilà, non, mais faut bien dire ce qu'il y a, c'est pas terrible McLaren en début de saison, pour autant, je suis toujours derrière eux quand même. J'ai soutenu McLaren de 2015 à 2017, donc ce qui se passe actuellement n'est pas trop violent en termes de désespoir, hein, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va, t'as eu tes deux titres, toi. J'en ai eu trois en deux ans même, du coup, puisqu'il y a un titre constructeur en plus. Eh ouais, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est une super équipe de pointe, McLaren. Je me la pète. Bah oui, c'est une équipe de pointe, que veux-tu? Voilà. C'est pas Red Bull, quoi, tu vois. Ah, vous n'êtes pas de passion, vous n'êtes pas passionné. Pas passionné. Ça va, McLaren, ça reste une équipe de passion. Je sais pas, Alex, il avait au moins la Ferrari française dans le sang jusqu'à maintenant. Ah, maintenant, il a la Ferrari allemande, Mercedes. Et Aston, où est-ce qu'on les voit? Tu dois y aller, nous demande Aston, où est-ce qu'on les voit? Bah, moi, je les vois. Dernier, ouais. Je les vois comme ce week-end, au niveau des Cadillacs en qualif, donc genre une Aston, une Cadillac, tu vois, un truc comme ça. Et en course, bah, je les vois pas à l'arrivée. Voilà. Pourtant, ils sont censés avoir des contre-mesures un peu. Mais bon. Ils en avaient déjà en Chine. Oui. Ça n'a pas contré grand-chose. C'était plus mesure que contre. C'était plus mesure que contre, hein, clairement. C'est contre à Londres, peut-être. Ah, les pauvres. En tout cas, on blague beaucoup, mais vraiment, déjà, force aux ingénieurs, parce que bah, ça va être dur d'être face à un échec pareil, et force à Alonso et Stroll qui doivent vraiment vivre un enfer, parce que non seulement c'est moral, je pense que ça va être fatigant d'en être là, et physique. Donc voilà, c'est. J'imagine même pas, parce que moi, quand j'ai un bruit dans mon tableau de bord, ça grésille, je sais pas d'où ça vient, ça m'énerve. Alors là, ouais, tu sais, quand t'as le vide-poche qui grésille un peu là. C'est ça. C'est ça, le plastique il est décollé là. C'est ça. Tu sais pas d'où ça vient. T'as pas mis un milliard dans ta BMW, quoi. C'est vrai. Non. Ou alors, ce qu'il y a beaucoup d'options. Hein. Mais on n'a pas fait faire le moteur au Japon non plus, du coup, ça, oui, apparemment, ça aide. Ça aussi. D'ailleurs, Toyota fait venir des moteurs BMW. Hein. C'est pour dire à quel point ils en sont, les Japonais. Ah là là. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous. Ni bon ni mauvais, hein. Mais ça, on sait. Oh. Ça va déjà. Ah, cette blague montre que c'est le moment de partir, hein, je crois. Ouais. C'est le mot de la fin. C'est la minute. C'est la minute de trop. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir été encore nombreux et nombreux, puisqu'on fait des jolies statistiques aussi sur l'émission, et le site est bien lu ce week-end de reprise, donc on est content. Merci Franck, merci Alex, on se retrouve pour une émission merci au chat. Dans deux semaines. Alors, ce sera peut-être le dimanche soir après la course, là on n'en pouvait pas, mais on fera peut-être comme la semaine dernière. De toute façon, vous serez tenus au courant sur les pages réseaux sociaux de NextGen et la mienne aussi. Et si jamais... En bas de tous les articles maintenant, dans les petites notes, vous avez des choses. D'ailleurs, je vous conseille vivement pour ceux qui sont dans le chat, qui ne l'ont pas fait, d'aller s'abonner à notre Google News, notre profil Google aussi, pour avoir les news de NextGen dans votre fil Discover aussi. C'est très important. Oui. Pour que, voilà, pour ceux qui consultent les infos sur leur téléphone, leur smartphone, les petits fils d'infos là, pour que vous ayez les infos de NextGen Auto en priorité, ou en tout cas plus souvent que d'autres. Si vous cliquez sur le petit profil, faites suivre sur Google, du coup ça fera suivi sur Google, vous aurez un peu plus souvent nos news, et puis nous ça nous aide aussi du côté de Google à nous mettre un peu plus en avant comme source d'informations intéressantes et préférées des internautes qui suivent la Formule 1, donc ça nous aide beaucoup. Et donc voilà, dans ce petit encart là qui se situe de manière fixe sous chaque article, on va maintenant indiquer à chaque fois quand est-ce que le débrief aura lieu, et si jamais ça doit bouger, on le préviendra à ce moment-là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre WhatsApp, on envoie de temps en temps les news très importantes ou des petites avant-premières. Exactement, et puis on se retrouvera, donc les news continuent évidemment comme d'habitude, on se retrouvera à la prochaine course à Suzuka, des horaires plutôt matinaux, hein, ça va être encore bien... Bah oui, tant qu'à faire. Hein. C'est encore bien compliqué, mais bon voilà, ça va être au moins c'est un beau circuit et je pense qu'on va avoir un beau week-end de compétition encore. On vous couvrira tout ça évidemment du jeudi au dimanche de manière intégrale comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien et profitez bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.